Cours Legendre accompagne la scolarité de votre enfant à domicile et en visioconférence avec nos cours particuliers par des professeurs de l'éducation nationale, nos stages intensifs de révision et nos classes préparatoires aux écoles de commerce. Retrouvez-nous sur cours-legendre.fr. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Nord-Sud. C'était dans les années 50-60, l'un des plus fameux sketchs du très populaire duo que formaient Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. La guerre de sécession a cessé, c'est sûr. La formule est longtemps restée célèbre. Les US Go Home fleurissaient alors sur les murs de nos villes et l'on pouvait, sans risque de choquer, prendre à la blague, comme une guerre d'opérette parmi d'autres, ce conflit lointain dont la réalité tragique se confondait à la multitude de ses versions hollywoodiennes. Cette guerre de sécession, cette guerre civile américaine, n'avait rien eu pourtant d'une plaisanterie. De toutes les guerres que connurent les États-Unis d'Amérique, elle fut très nettement la plus meurtrière pour sa population. Plus de 600 000 victimes pour un pays qui ne comptait alors que 31 millions d'habitants. En 1965, un numéro d'analyse spectrale de l'Occident rappelait aux auditeurs de France Culture ce qu'avaient été les causes et les enjeux de cette confrontation fratricide sanglante, ses conséquences et la place qu'avaient accordée à la guerre de sécession la littérature et le cinéma américain. La rediffusion de cette émission sera, outre l'occasion de réentendre René Raymond, celle de découvrir, pour beaucoup de cinéphiles, la voix d'Henri Hagel, un professeur de lettres et de cinéma qui a compté dans l'histoire du 7e art par l'influence profonde qu'il exerça sur ceux passés par ses cours ou le ciné-club qu'il animait au lycée Voltaire. Parmi eux, on peut citer Serge Danet, Claude Miller, Jacques Doyon et Alain Corneau. Analyse spectrale de l'Occident, la guerre de sécession, 1861-1865, une émission diffusée la première fois le 20 février 1965 sur France Culture. L'ORTF vous présente Analyse spectrale de l'Occident. Aujourd'hui, la guerre de sécession 1861-1865 par Stanislas Fumet. Avec la collaboration de René Raymond, professeur à la faculté des lettres de Paris-Nanterre, Georges-Albert Astre, professeur à l'IDEC, Roger Asselineau, professeur de littérature et civilisation américaine à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris, Henri Hagel, professeur à l'IDEC, et André Gauthier, critique musical. Au cours de cette émission, vous pourrez entendre une scène de Sud, la pièce de Julien Green, interprétée par Michel Etcheverry, Claude Géniat et Françoise God, et des textes qui seront lus par René Farabet. La démocratie américaine se déchire, par Stanislas Fumet. J'avais posé à René Raymond, l'année dernière, quand il nous parlait de la Constitution des États-Unis et qu'il nous faisait admirer cet édifice démocratique qu'elle a fait surgir pour la première fois dans le monde moderne, si elle eût pu s'établir avec autant de sérénité, je voulais dire au nom de l'égalité des citoyens, sans l'apport des esclaves. Car enfin, le bâtiment marchait très bien au XIXe siècle, c'est vrai, mais n'avait-il pas besoin de ses collaborateurs invisibles, noirs généralement, qui peinaient dans les soutes? L'auteur à qui l'on doit cette thèse remarquable, les États-Unis devant l'opinion française, n'avait pu s'empêcher de sourire devant ma question impertinente. C'est lui aujourd'hui qui nous racontera l'histoire de la guerre de sécession, et nous verrons que c'est précisément autour de cette affaire de conscience mise en avant par les anti-esclavagistes du Nord qu'a éclaté la guerre civile de 1861, gagnée en 1865 par ceux qui réclamaient l'abolition de l'esclavage, mais sans donner finalement aux affranchis des raisons de satisfaction telles que la morale chrétienne les eût souhaitées après la victoire des nordistes. Cette guerre de sécession, dont l'abolition de l'esclavage était au moins en théorie l'enjeu, reste le principal événement de l'histoire des États-Unis. Toute une littérature s'y réfère. Comme nous le verrons, les westerns du cinéma y puisent leurs meilleures ressources. Toutes les nostalgies de l'âme sudiste se réveillent à son évocation et les Yankees se montrent encore fiers de leurs exploits passés. Mais il est arrivé ceci, que n'avaient prévu ni les uns ni les autres. L'abolition de l'esclavage a donné naissance à la haine raciale qui n'existait pas dans le Sud au temps des esclaves attachés aux plantations. Ce n'est pas une raison sans doute pour regretter les mesures d'affranchissement des Noirs, mais il faut reconnaître que parmi ces conséquences, il en est un très grave qui demeure encore ce que le philosophe Jacques Maritain appelait il n'y a pas longtemps une écharde dans la chair de la nation américaine. Nous y reviendrons à la fin de cette émission et nous aurons l'occasion de citer Jacques Maritain. Pour ce qui est de la guerre elle-même, si la Confédération des États du Sud l'a perdue, elle avait cependant été menée par ses troupes avec intelligence et courage. Les sudistes avaient la conviction qu'ils l'emporteraient. Ils croyaient les nordistes incapables d'une action militaire cohérente. L'Europe s'est bien gardée de prendre part à la guerre des frères ennemis. Elle se contentait de la suivre du dehors, en spectatrice, comme on assiste sans déplaisir à une violente partie de football. On sait que la guerre à peine finie, le président Abraham Lincoln est assassiné et qu'il devient du coup le signe vénéré de l'Union. Les États du Sud se trouvent ruinés. Les nègres, affranchis, abandonnent les fermes et les terres de leurs maîtres pour courir vers les villes où la misère les attend. Et les sudistes, auxquels Lincoln a accordé une large amnistie, ne sont plus que les pauvres blancs. La reconstruction, entreprise par le gouvernement fédéral, se fait mal et l'on voit, dans le Nord, la politique des intérêts tournée vers l'Ouest corrompre souvent la conscience des forts. La guerre civile entre esclavagistes et anti-esclavagistes est dépeinte par les écrivains de l'époque, comme nous le montrera Georges Albert Astre, et a surtout alimenté l'inspiration des écrivains américains qui leur ont succédé. Toutefois, avant qu'éclatât la guerre civile, un roman de Mrs. Beecher Stowe avait paru en 1852, La case de l'oncle Tom, qui avait fait couler bien des larmes. De plus grands auteurs sont à leur tour venus témoigner. Hawthorne, mort pendant la guerre de sécession, Melville, Stephen Crane surtout. Quant à Walt Whitman, qu'évoquera Roger Asselineau, il avait pris part à la guerre. Il publiera ses roulements de tambour et chantera la gloire de son ami Lincoln, mort pour la liberté du Nouveau Monde. Nous terminerons l'analyse d'aujourd'hui par une scène de Julien Green tirée de sa pièce « Sud ». Julien Green, écrivain américain d'ascendance virginienne mais né en France, a situé son drame dans le pays de ses grands-parents au moment où va se déclencher, entre confédérés et fédérés, cette guerre étonnante qui a déchiré le corps et l'âme de la grande démocratie américaine. Les causes et les effets de la guerre de sécession par René Raymond. René Raymond, voulez-vous nous dire quelles ont été les causes réelles de la guerre de sécession ? Nous verrons ensuite quels en ont été les résultats et nous réserverons, si vous le voulez bien, la question raciale pour une deuxième intervention qui nous conduira sur ce thème jusqu'à nos jours. La guerre de sécession, celle que les Américains appellent la guerre civile, a été la plus grande épreuve de l'histoire américaine depuis leur indépendance jusqu'à nos jours. En présence d'un événement d'une pareille portée, on est amené à s'interroger sur les causes. Comment les Américains en sont-ils venus à se déchirer en deux camps qui se sont affrontés pendant 4 années ? La guerre de sécession est liée très étroitement à la question noire et à l'esclavage. Mais les causes de la guerre civile débordent largement le point particulier de l'esclavage. Elle oppose deux sociétés que différencient leurs principes, leurs valeurs, leurs structures. L'esclavage était un héritage de la période coloniale. Ce ne sont pas les Américains qui l'ont inventé ni institué. Au contraire même, puisque le Congrès des États-Unis supprime à terme la traite pour 1807. Et les fondateurs de l'indépendance américaine avaient nourri l'espérance que l'esclavage à l'intérieur, le recrutement une fois tari par la suppression de la traite, s'éteindrait en quelque sorte graduellement par l'affranchissement des esclaves. Mais à partir du début du XIXe siècle, l'évolution suit un cours opposé et tout différent de ce qu'on avait espéré. C'est en raison de la culture du coton dans les États du Sud. La demande va croissant avec la révolution industrielle. L'industrie britannique achète le coton du Sud. Plusieurs innovations techniques permettent d'en accroître la culture. Et le Sud commence à devenir ce qu'on appelle alors le royaume du coton, tout ou presque est subordonné à la culture du coton. Le travail est dur et on pense que seule une main-d'œuvre servile, noire, est en mesure de l'exécuter. L'esclavage change de forme, de patriarcal, de familial, de relativement humain qu'il était jusqu'alors, il se transforme en un régime d'exploitation aussi rude que ce que l'Europe occidentale connaît à la même époque avec la révolution industrielle qui modifie aussi la condition des ouvriers. Le besoin d'esclaves se fait sentir de plus en plus, on voit se développer une sorte de commerce de l'esclavage. Faute de pouvoir faire venir des esclaves d'Afrique, on en organise en quelque sorte l'élevage dans de vastes haras humains. C'est le moment où l'esclavage devient le fondement de la prospérité économique des États du Sud. C'est en quelque sorte la pierre angulaire du régime économique. Les sudistes ne pensent pas pouvoir préserver le développement de leur économie si on abolissait l'esclavage. En même temps, ce devient le fondement de l'ordre social. La richesse, l'organisation sociale tout entière paraît commandée par l'esclavage. Et les États du Sud y tiennent pour des motifs même politiques. Ils y voient en quelque sorte le symbole de leur indépendance. C'est le gage de la souveraineté des États particuliers. On parle de l'esclavage comme de l'institution particulière, celle qui spécifie, qui fait l'originalité du Sud. Et les petits blancs, ceux qui n'ont pas d'esclaves à eux, ne sont pas les moins attachés au maintien de l'esclavage qui leur permet à peu de frais d'avoir le sentiment ou l'illusion de la supériorité. Dans le même temps, le Nord se transforme. Il s'industrialise, une société nouvelle se développe, s'enrichit, fondée sur des valeurs exactement opposées de celles du Sud. Le travail libre, la libre entreprise, l'initiative, l'égalité de chance, à une société terrienne, hiérarchisée, féodale, s'oppose une société industrielle, commerçante, égalitaire, démocratique. Les États-Unis sont donc divisés en deux sociétés qui se tournent le dos et qui suivent des voies divergentes. L'antagonisme des intérêts. On aurait pu imaginer que ces deux sociétés, compte tenu de l'immensité du territoire, coexistent en bonne intelligence ou en s'ignorant. Or, peu à peu, leurs intérêts vont devenir contraires et antagonistes. C'est vrai dans l'ordre des relations commerciales avec l'étranger, le Sud est tourné vers l'extérieur, vendant son coton à l'Angleterre, lui achetant ses produits industriels, le Sud est attaché au libre-échange. Le Nord industriel veut au contraire disposer du monopole du marché national et préconise une politique de tarifs douaniers, protectionniste ou prohibitif. Autre facteur, c'est le développement dans le Nord d'un mouvement abolitionniste. À partir de 1830, un certain nombre d'esprits, des publications, des périodiques font campagne pour l'abolition de l'esclavage qui, disent-ils, jette une tache sur l'honneur de l'Union américaine. Et le Sud s'alarme de ce mouvement qui se développe dans le Nord et qui lui paraît de nature à menacer son indépendance. Le Sud réclame des poursuites contre les abolitionnistes. Mais c'est surtout la question des esclaves fugitifs qui va envenimer les relations entre le Nord et le Sud. On se souvient que c'est le thème et la trame du roman de Mrs. Beecher Stowe, La case de l'oncle Tom, qui paraît en 1852 et qui exprime une réaction de sensibilité et d'indignation morale à l'occasion de ce problème des esclaves fugitifs, de ceux qui avaient fui leurs propriétaires dans le Sud et qui cherchaient refuge dans le Nord. Les propriétaires d'esclaves revendiquent leurs esclaves et demandent que le Nord les leur restitue. Le Nord s'émeut et s'indigne, pensant que le sol devrait libérer les esclaves qui y ont cherché refuge. On voit même se développer des organisations clandestines, l'une d'entre elles s'appelle le chemin de fer souterrain, pour encourager les esclaves fugitifs et les aider à passer au Canada, où ils ne risquaient plus rien. Mais c'est surtout l'existence de l'Ouest qui va aggraver l'antagonisme entre le Nord et le Sud. L'Ouest comme enjeu. En effet, l'Ouest offre d'immenses possibilités d'extension. Or, le Sud a besoin de s'étendre. Le coton est une culture extensive qui épuise vite les terres. Les producteurs de coton cherchent donc à s'assurer vers l'Ouest de nouveaux terrains. C'est une sorte de nécessité économique et en même temps une nécessité politique. Le Sud craint en effet d'être mis en minorité, encerclé et isolé par le Nord. S'il réussit à conquérir l'Ouest, à y constituer de nouveaux États à esclaves, il maintiendra l'équilibre et la balance des forces entre le Nord et le Sud. Et le Nord, pour les mêmes raisons, aboutit à des conséquences inverses en quelque sorte. Le Nord redoute que le Sud ne contamine l'Ouest. C'est une course de vitesse à qui occupera le plus vite les vastes espaces vides de l'Ouest. État libre ou État esclave, servitude ou liberté, c'est l'avenir même de l'Union qui est en jeu. C'est la forme future de la société américaine qui est en question. Et c'est de là que sort la rupture de 1861. L'esclavage dans le Sud à lui seul n'aurait pas suffi à déclencher la guerre. C'est la compétition pour l'Ouest qui est à l'origine de l'épreuve de force. Sans doute, un certain nombre de compromis avaient essayé depuis une quarantaine d'années d'ajourner l'épreuve de force. Les compromis successifs. Des compromis empiriques dictés par le souci de préserver l'Union, un certain nombre de solutions de transaction. C'est ainsi qu'en 1820 avait été adopté ce qu'on appelle le compromis du Missouri, qui admettait simultanément dans l'Union de nouveaux États en nombre pair, la parité étant respectée entre les États esclaves et les États libres. Et en même temps, on avait tracé une ligne au nord du parallèle retenu, l'esclavage était prohibé. En 1850, un nouveau compromis devient nécessaire pour tenir compte de données nouvelles. Et ce compromis multiplie en fait les mécontentements. Dans le Nord, de ceux qui estiment qu'il reconnaît la légitimité de l'esclavage, dans le Sud, de ceux qui voient limiter et borner le futur domaine du coton et de l'esclavage. À partir de 1850, la situation va se dégradant très rapidement. Le Sud lutte pour son existence avec l'énergie du désespoir, envisageant la sécession plutôt que de renoncer à son institution particulière. Et le Nord, concédant de temps à autre au Sud des avantages momentanés, mais envisageant qu'une épreuve de force puisse devenir inévitable. À partir de 1850, on peut dire que la question noire est désormais au cœur de la vie politique américaine. C'est elle qui domine les compétitions entre les partis, les conflits d'opinion. Une série de péripéties aggrave très rapidement le rapport des forces et l'état des esprits. En 1854, le Congrès à propos de deux nouveaux territoires, situés dans l'Ouest, le Kansas et le Nebraska, décide de remettre la décision aux intéressés. C'est en somme une prime à la violence. On voit sudistes et nordistes accourir, de façon à disposer de la majorité dans la convention qui décidera le statut futur des deux territoires. Et la compétition s'accompagne d'effusions de sang. L'équilibre est désormais menacé, les partis se divisent, on voit un nouveau parti se constituer, le parti républicain, qui inscrit à son programme l'interdiction de l'extension de l'esclavage. Le Sud, dès ce moment-là, ne cache pas que, en cas d'élection d'un républicain à la Maison-Blanche, il ferait sécession. En 1860, le Parti républicain présente un candidat aux élections présidentielles qui est un homme de l'Ouest, Abraham Lincoln, qui s'est distingué au cours d'une compétition qui l'opposait au sénateur Douglas. Le candidat républicain l'emporte à la faveur de la division du Parti démocrate. Il n'a qu'une majorité relative, mais elle suffit pour lui assurer l'élection. Lincoln est élu en novembre 1860. Avant même que Lincoln n'entrât à la Maison-Blanche, sept États décident de faire sécession, et leur nombre sera rapidement porté à 11. En février 1861, ils se retirent de l'Union et constituent une confédération, un système rival dont la capitale est Richmond. Le président élu, avant même de prendre ses fonctions, Lincoln, dénie aux États du Sud le droit de faire sécession. Le pacte fédéral les lie pour une durée indéterminée. Mais Lincoln est bien résolu à ne pas prendre l'initiative de la rupture militaire. Et c'est le Sud qui va la prendre en bombardant, en avril 1861, une des forteresses fédérales tenue par les garnisons de l'Union américaine dans les États du Sud, le fort Sumter. C'est ces coups de canon contre une forteresse fédérale qui déclenchent la guerre entre le Nord et le Sud. Dès lors, les opérations sont engagées, les hostilités inévitables, la rupture est consommée. La guerre durera 4 années, presque jour pour jour. Une guerre civile, c'est-à-dire dire l'atrocité, la première des guerres modernes, par sa durée, par l'ampleur des moyens engagés, par les solutions à imposer, il y allait de l'unité des États-Unis, de leur grandeur aussi, de l'avenir de la démocratie. C'est en fait le choix de l'Ouest qui va faire pencher la balance des forces. En se rangeant du côté du Nord, l'Ouest condamne à terme le Sud. 1863, c'est l'abolition de l'esclavage. 1865, c'est la défaite du Sud, la capitulation, la ruine d'une société aristocratique et féodale et le triomphe de la civilisation industrialiste et démocratique identifiée aux États du Nord et à l'avenir de l'Union américaine. La guerre civile et les écrivains, par Georges Albert Astre, avec des textes lus par René Farabet. Georges Albert Astre, vous avez écrit un Hemingway par lui-même aux éditions du Seuil, 2 volumes sur Dos Passos, un Steinbeck ou Le rêve contesté, pour ne rien dire de vos autres œuvres. Vous êtes devenu un spécialiste de la littérature américaine. J'ai dit en commençant cette analyse que la guerre de sécession avait été observée par quelques grands écrivains des États-Unis et qu'elle avait surtout inspiré ceux qui en avaient entendu parler. Si l'on met en parallèle l'ampleur de l'événement, les 600 000 morts qui en furent les victimes, les bouleversements qui en résultèrent pour toutes les structures américaines et le petit nombre d'œuvres littéraires de qualité inspirées par la guerre civile, eh bien, c'est vrai, on éprouve au premier abord une surprise assez légitime. 4 ou 5 romans dignes de figurer dans les ouvrages d'histoire littéraire et qui d'ailleurs furent souvent écrits bien longtemps après. Et encore, ne retient-on guère aujourd'hui pour les relire que 2 ou 3 d'entre eux. Quelques poèmes, plus ou moins oubliés, écrits par des écrivains, eux aussi, très postérieurs au drame, et qui, quelquefois, sont nos contemporains. Tout cela est assez mince en apparence. La guerre de sécession, en vérité, n'a inspiré directement qu'un petit nombre de grandes œuvres. Et pourtant, eh bien, Hemingway, justement, disait que les guerres sont, pour les romanciers, le meilleur des thèmes. C'est évidemment un triste privilège, mais nous savons que Hemingway a été le premier à tirer parti de son expérience de la guerre. Et il ajoutait, avec quelques ironies noires dont il était coutumier, ce sont les guerres civiles qui fournissent les meilleurs sujets pour un romancier digne de ce nom. Eh bien, en dépit de cette assertion, il y a en effet un déséquilibre entre la grandeur de l'événement et, disons, la minceur de la production littéraire de qualité qu'il a inspirée. Pourquoi ? On aurait tort d'en conclure à une sous-estimation par la conscience américaine des conséquences humaines de cette lutte, ou à une volonté d'oubli. En fait, cette guerre de sécession, eh bien, elle est présente aujourd'hui, elle est présente terriblement au cœur de chaque Américain. C'était véritablement en 1861 quelque chose comme l'irruption de la tragédie au beau milieu d'un rêve édénique. Et cela a gardé ce visage. C'est une obsession majeure aujourd'hui encore sur le plan humain. Et après tout, les écrivains, c'est avec cela qu'ils se débattent, c'est avec les répercussions humaines. Eh bien, il est vrai que quand on se promène dans le Sud, et je l'ai fait et voici quelques mois encore, en tout lieu, en tous endroits, on est invité de quelque manière à retrouver plus que des souvenirs, à retrouver la présence de cette lutte que soutinrent les hommes de Lee contre un adversaire qui était trois fois supérieur en nombre. Et j'ai partout rencontré cela, tout au long des highways des États du Sud, même dans les rues d'Atlanta, des signes d'un culte rendu, je parle du Sud bien sûr, rendu aux héros des Confédérés. Il n'est pas excessif de dire qu'à la lumière des vifs antagonismes actuels et qui se donnent libre cours dans certains États du Sud, qui à nouveau s'illustrent assez tristement de la sorte, eh bien, il est certain que cette guerre de sécession redevient une sorte de référence quotidienne pour l'Américain de ces États. Et cela va tellement loin que d'aucuns, assez rares, il faut tout de suite le dire, se déclarent prêts à les reprendre parce que justement, c'est pour eux quelque chose qui se continue. Et après tout, c'est une citation qui, je crois, a sa place ici. D'ores et déjà, c'est un personnage de William Faulkner dans l'Intrus qui s'exprime ainsi. « Pour tout garçon du Sud âgé de 14 ans, non pas une fois, mais toutes les fois qu'il le désire, il y a l'instant où il est toujours, pas de nouveau, 2 heures cet après-midi de juillet 1863. Les brigades sont en position derrière le remblai de la voie ferrée. Les canons sont en batterie dans les bois, prêts à faire feu. Les drapeaux roulés déjà desserrés pour être déployés. Et Pickett lui-même, avec ses longs cheveux pommadés calamistrés, son chapeau dans une main et probablement son sabre dans l'autre, le regard fixé sur la colline, attendant que Longstreet lui donne le signal. Tout est en suspens. Ce n'est pas encore arrivé. Cela n'a même pas commencé. Non seulement cela n'a pas commencé, mais il est encore temps que cela ne commence pas. C'est une citation qui est assez exemplaire. Et nous en revenons là, il y a peu d'œuvres. Et la génération des transcendantalistes dans son ensemble a été peu concernée. Elle le fut indirectement. Il y a cela une raison d'âge. En 1861, ils avaient plus de 40 ans en général, et les écrivains, pour la plupart, la conscription n'étant appliquée que très tardivement en cette guerre, ne participèrent pas, même quand ils étaient plus jeunes. Ni Henry James, ni Henry Adams, ni Howells ne prirent part directement à la guerre. Ni Mark Twain, qui n'avait pourtant en 61 que 26 ans, c'est-à-dire un âge où il aurait pu évidemment combattre. L'écrivain Mencken traite tous ces hommes d'embusqués. Le mot est excessif. Ceux qui prirent part ne furent pas des écrivains de génie. Il faut évidemment signaler la participation d'hommes comme Sidney Lanier, qui avait sa réputation à l'époque, Henry Timrod, parmi les sudistes, Ambrose Bierce surtout, dans le Nord. Il faut signaler, bien sûr, une prolifération extraordinaire de poèmes, de chants populaires, qui furent en honneur composés, diffusés pendant cette guerre elle-même. Et d'une manière générale, eh bien, constatons-le. Et constatons-le à l'honneur des hommes qui furent engagés particulièrement, il faut le dire, du côté des nordistes. Cette guerre fut ressentie par eux avec effroi, avec horreur même, et avec tristesse, parce que justement c'était l'effondrement d'un rêve. La dimension épique, contrairement à ce qui s'est passé pour certaines guerres d'Europe et pour l'épopée napoléonienne, ne pouvait guère être donnée. L'Amérique découvrait avec stupeur que Caïn tuait à nouveau Abel, là où justement Abel aurait dû vivre en paix avec Caïn puisque le paradis avait été retrouvé. Il y eut beaucoup de ballades, des complaintes, des poèmes célébrant un héros symbolique, comme John Brown par exemple. Et ce John Brown, qui devait par la suite, en 1928, inspirer une œuvre assez connue de Bennett, fut célébré dès son temps. Vous allez entendre un poème qui fut justement composé sur John Brown, héros des nordistes, et qui fut un fervent abolitionniste. Le corps de John Brown est réduit en poussière dans sa tombe, mais son âme avance toujours. Gloire, gloire, alléluia, mais son âme avance toujours. John Brown mourut pour que l'esclave soit libre, mais son âme avance toujours. Il prit Harper's Ferry avec ses 19 hommes si fidèles. Il effraya la vieille Virginie jusqu'à ce qu'elle tremblât de tous ses membres. Ils le pendirent comme traître, eux qui ne sont qu'une bande de traîtres. Mes yeux ont vu la splendeur de la venue du Seigneur. Il presse sous ses pieds les raisins de la colère. Il a lancé l'éclair fatal de son glaive rapide et terrible. Sa vérité avance toujours. Il y eut dans le Sud des hymnes ou des chants, comme le fameux Maryland, my Maryland, qui est resté extrêmement populaire aux États-Unis. Mais les écrivains véritables furent donc tous conscients, au Sud comme au Nord, que l'âge du rêve américain était terminé, que l'Amérique prenait sa personnalité propre, sa vraie dimension, dans le sang et la mort. Il y eut, lors de la victoire, des poèmes qui célébrèrent le succès de la cause des soldats de l'Union. Je m'empresse de dire qu'il ne s'agit pas de chef-d'œuvre. L'année où Timrod traduisirent assez ce qui sera le fond de l'œuvre faulknerienne, l'idée que la civilisation du Sud est morte ou qu'elle va périr. En fait, la guerre avait consacré un antagonisme qui ne devait plus cesser. Un homme de Géorgie, par exemple, qui est justement l'année, tira de sa captivité tout un roman, Melville, composa effectivement ses Battle Pieces, et qui, d'ailleurs, font preuve de beaucoup de désenchantement. Pour lui, cette guerre est dépourvue de romanesque, et disons que c'est une guerre, pour reprendre son expression, où les dentelles et les cuirs sont-elles roussies. Et pourtant, il y a des témoignages à valeur littéraire. Il y a des journaux, par exemple, dans le Sud, le journal d'un certain John Boson Jones. Il y a « A Diary from Dixie » de Mary Boykin Chestnut. Et au Nord, un témoignage d'un colonel sur la vie dans les troupes. Mais enfin, eh bien, c'est beaucoup plus tard que cette guerre a donné sa, disons, a eu reçu son prolongement littéraire. Après Appomattox, les écrivains se sont engagés d'ailleurs déjà dans un certain réalisme, en partie sous l'influence française. Un Tourget qui naquit dans l'Ohio en 1838 et se battit parmi les nordistes a publié de véritables reportages et un livre, False Errant, en 79, et il a montré les problèmes soulevés par l'émancipation, par la lutte du Ku Klux Klan, par exemple. Et surtout, bien surtout, je crois qu'il faut signaler et même souligner l'importance de deux livres. L'un est de John William de Forey, c'est un nom très français, né en 1826, qui, très peu de temps après la guerre, en 67, a utilisé des souvenirs personnels de combattants parce qu'il avait commandé dans le Nord pendant 3 ans, pour écrire ce livre qui n'est peut-être pas très lu aujourd'hui, mais qui est un ouvrage étonnant à la fois comme document sur cette guerre et, disons, étonnant aussi par le réalisme de beaucoup de ses pages. Il s'agit de Miss Ravenel's Conversion from Secession to Loyalty, la conversion de Miss Ravenel de sécession à la loyauté. Et effectivement, on y voit une certaine Lily Ravenel, qui est une fille du Sud très jeune, de 17 ans, qui est gagnée aux idées du Nord, et qui est aux prises avec 2 prétendants qui, justement, appartiennent tous les deux à l'armée nordiste. L'un est assez antipathique, Carter, et l'autre, Colburn, incarne la foi très généreuse des abolitionnistes. C'est un ouvrage assez remarquable, parce que, justement, il est en avance sur son époque. Il annonce déjà le réalisme de la guerre dont firent preuve les écrivains qui suivirent la Première Guerre mondiale et surtout la Seconde. Et il nous montre assez bien l'état d'esprit d'un homme du Nord qui, sans s'embarrasser de toutes les motivations moins généreuses de cette guerre, ne voit vraiment que le grand idéal de fraternité, c'est Colburn, justement. Quand il décide de s'engager, eh bien, voici ce que écrit De Forest. Sa résolution fut prise avec le sérieux d'un homme qui, encore que gai et même jovial par nature, avait été pénétré dans une certaine mesure par la passion solennelle du puritanisme. Il se peignit à lui-même, en couleur forte, le risque de mourir et sa nature. Puis il choisit, délibérément, le parti de faire face à ce terrible mystère pour soutenir la justice. C'est un livre qui mériterait vraiment d'être très connu, je crois, et parmi tous ceux qui s'intéressent à la fois au réalisme, justement, en littérature au XIXe siècle, et aussi à la psychologie américaine. Et puis, enfin, il y a Stephen Crane. Stephen Crane, qui est un grand écrivain. C'est certainement un cas étonnant. Crane n'avait pas participé à la guerre. Pour une excellente raison, c'est qu'il était né en 1871. Et c'est un fils de pasteur de New Jersey. Il vécut très peu de temps, il mourut de tuberculose à 29 ans. C'est un bohème en révolté. Et son livre annonce directement les écrivains modernes. Je dois dire que ce livre, qui est traduit en français sous le titre de La conquête du courage, était les livres favoris de Ernest Hemingway, qui lui dut beaucoup, notamment à l'époque où il écrivait L'adieu aux armes. C'est la guerre de sécession, en somme, 25 ans après, puisque c'est cela la date, produisait enfin quelque chose qui était proche du chef-d'œuvre. Crane était un mélange de beaucoup de choses, un mélange d'inquiétudes personnelles, de poètes, de réalistes. Son Red Badge of Courage est déjà juste au fond de Hemingway, mais avec justement aussi des accents stendhaliens. Le sujet est très simple. L'histoire du jeune Fleming est l'histoire d'un garçon qui s'est engagé avec un certain enthousiasme et qui découvre que l'on ne fait pas la guerre ainsi que sur le plan individuel. Eh bien, dès que l'on réfléchit, et Fleming à tout moment se dédouble, il se voit agir, eh bien, la guerre est une immense absurdité, est un scandale. Et cet aspect scandaleux de la guerre pour la conscience américaine était un aspect capital alors. Il y a des passages étonnants où le jeune soldat se dit « Mais il n'y aura donc personne pour arrêter cette folie, ce champ de bataille. J'ai envie de crier. » Il avait envie de crier, évidemment, la seule chose qu'il peut faire, il l'a fait. Il prend la fuite. Et puis ensuite, eh bien, il découvre que c'est une question d'épreuve personnelle de tête à tête avec la mort. Et finalement, eh bien, il remporte cette victoire sur lui-même, car c'est un livre extrêmement individualiste, au fond. Vous allez entendre d'ailleurs une des pages les plus remarquables, à mon sens, de cet ouvrage, qui montre justement la première rencontre de ce jeune Fleming avec un cadavre assez frais, mais qui le regarde. Et Fleming regarde le cadavre, Et à ce moment-là, eh bien, il est vaincu par ce spectacle de la mort, mais à la fin du livre, il en assumera la pensée, et par là même, il aura conquis une virilité authentique. Il sembla au jeune homme que le brouillard du jour s'écartait sous l'élan d'une grande masse de troupes. Du lointain leur parvint un soudain grésillement de mousqueterie. Il était dans l'ahurissement. En courant au pas de ses camarades, il fit tous ses efforts pour penser. Mais tout ce qu'il savait, c'est que s'il tombait, ceux qui suivaient le marcheraient sur le corps. Il avait besoin de toutes ses facultés pour éviter ou franchir les obstacles sous ses pieds. Il se laissait entraîner par une multitude. Le soleil projeta un de ses rayons révélateurs, et un à un, les régiments surgirent comme des légions sorties tout armées de terre. Le jeune homme comprit alors que l'heure était venue. Il allait connaître sa mesure. Pendant un instant, il se sentit en face de cette grande épreuve comme un enfant. Le cœur lui battait à fleur de peau. Il prit le temps de jeter autour de lui un coup d'œil calculateur, mais il comprit instantanément qu'il lui serait impossible de s'échapper du gros des troupes. Il en était enveloppé. Les lois de fer de la tradition et de la discipline l'enfermaient des quatre côtés à la fois. Il se trouvait bouclé dans une boîte mouvante. Dès qu'il perçut ce fait, il lui vint à l'esprit qu'il n'avait jamais souhaité aller à la guerre. Il ne s'était pas engagé de son plein gré. Il y avait été poussé par un gouvernement sans pitié et maintenant on le menait à la boucherie. Le régiment se laissa glisser sur une rive et traversa à gué une petite rivière. Le triste et lent courant continuait sa route et à la surface de l'eau, noire d'ombre, quelques bulles claires comme des yeux regardaient les soldats passer. Dans le moment où il grimpait la déclivité opposée, l'artillerie fit résonner sa voix sourde. Le jeune homme oublia alors bien des choses et éprouva une poussée soudaine de curiosité. Il escalada la berge avec une agilité que n'eût pu surpasser un forban altéré de carnage. Il espérait une scène de bataille. Les éclaireurs à l'avant ou là-bas fascinaient son regard. Leurs coups de feu dirigés sur les taillis ou sur des arbres isolés lui disaient des tragédies voilées, mystérieuses, solennelles. Ils rencontrèrent soudain le cadavre d'un soldat couché sur le dos, le regard fixé au ciel et vêtu d'un mauvais complet d'étoffe brun jaunâtre. Le jeune homme put voir que les semelles étaient usées et réduites à l'épaisseur d'une feuille de papier, et par une grande déchirure de l'une d'elles, le pied rigide sortait, pitoyable. On eût dit que la destinée trahissait le malheureux, étalant dans la mort aux yeux de ses ennemis cette pauvreté que dans la vie il avait peut-être jalousement dissimulée à ses amis. Les rangs s'ouvrirent tacitement pour éviter le cadavre. Le mort invulnérable se frayait un passage. Le jeune homme regarda avidement la face livide. Le vent leva la barbe inculte qui remua comme sous la crasse d'une main. Il eut le désir vague de faire le tour du corps et de le fixer longuement. Instinct qui pousse le vivant à essayer de lire dans les yeux éteints une réponse à la grande question. Pendant la marche, cette ardeur qu'avait allumé tantôt l'espoir de voir un champ de bataille se réduisit rapidement à rien. Sa curiosité se trouva fort aisément satisfaite. Si une scène intense l'avait empoigné de sa réalité tragique à l'instant où il atteignit le sommet du talus, il aurait gardé son allure frénétique. Cette course en avant contre la nature était vraiment trop calme. Il avait eu le temps de songer à lui-même et de s'essayer à analyser ses impressions. Des idées absurdes s'emparèrent de lui. Il eut une brusque antipathie pour ce paysage qui lui apparut menaçant. Un frisson lui courut au long du dos et il est certain qu'à ce moment, son pantalon lui donna la sensation d'aller mal à ses jambes. Une maison posée placidement dans un pré, là-bas, prit un air insolite. Les ombres qu'allongeaient les bois s'emplissaient de terreur. Il éprouva la certitude que dans la lointaine perspective des campagnes se dissimulaient des armées féroces. Le soupçon lui vint que les généraux ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Tout cela n'était qu'un traquenard. Ces forêts proches allaient soudain se hérisser de fusils. Des brigades d'airain les prendraient en queue. Tous ils allaient être sacrifiés. Les généraux étaient stupides. L'ennemi ne ferait qu'une bouchée du régiment entier. Il jeta des yeux égarés autour de lui, guettant l'approche furtive de la mort. Il pensa qu'il lui fallait sortir des rangs et haranguer ses camarades. Ils ne pouvaient se laisser tous saigner comme des cochons. Et certainement, tel serait leur sort si on ne les avertissait de ces dangers. Les généraux étaient des idiots de les envoyer ainsi au pas accéléré dans un véritable parc à moutons. Dans tout ce corps d'armée, il n'y avait qu'une paire d'yeux qui visse clair. Il allait s'avancer et faire un discours. Des paroles âpres et passionnées lui montaient aux lèvres. Tout cela prouve que la guerre, en somme, a produit réellement les grandes œuvres qui l'ont inspiré tardement. Je parlais de Faulkner tout à l'heure. Eh bien, évidemment, c'est Faulkner. Il ne faut pas en douter, qui a donné sa vraie dimension à tout cela. C'est d'un point de vue sudiste, bien sûr, mais justement parce que dans le Sud, la guerre continue à être ressentie avec un mélange d'amertume, d'orgueil, et surtout, elle a nécessairement créé, suscité une sorte de ressentiment extrêmement durable, puisqu'elle brisait aux yeux des sudistes une certaine autonomie des États. Lorsque Faulkner dépeint dans des œuvres comme Absalom, ou dans Sartoris, ces personnages qui continuent à vivre, en réalité, avec 70 ans en arrière, en s'identifiant à leurs ancêtres, comme le colonel Sutton, par exemple, et lorsqu'il montre que tous ces hommes sont en fait, comme la citation tout à l'heure le prouvait, toujours au moment où la guerre de sécession se déclenche, eh bien, il faut reconnaître qu'il donne à ce moment-là, à l'événement, à la fois sa valeur, disons, mythique et sa valeur psychologique. Le froid ne les faisait pas battre en retraite. Ils le supportaient tous deux dans une sorte d'exaltation masochiste et préméditée de misère physique transmuée en la souffrance morale de deux jeunes gens durant cette période. Il y avait de cela 50 ans, ou plutôt 48, puis 47, puis 46, puisque c'était 64, puis 65, et les débris affamés et guenilleux de l'armée ayant battu en retraite à travers l'Alabama et la Géorgie jusque dans la Caroline, non pas talonnés par une armée victorieuse, mais plutôt par la marée montante des noms de batailles perdues d'un côté comme de l'autre, Chickamauga et Franklin, Vicksburg, Corinth et Atlanta, batailles perdues non seulement à cause de la supériorité numérique, des munitions et des approvisionnements déficients, mais à cause des généraux, qu'il était non pour leur pratique des méthodes contemporaines ou pour leur aptitude à les apprendre, mais en vertu du droit divin de dire « allez-y » à eux conférés par le pouvoir illimité d'un régime de caste. Ou parce que ces généraux n'ont jamais vécu assez longtemps pour apprendre comment livrer avec circonspection des batailles mettant en ligne des masses d'hommes accrues, et puisqu'ils étaient déjà aussi périmés que Richard Cœur de Lion, Roland ou Duguesclin, des généraux emplumés aux capotes doublées d'écarlate, qui, à 28, 30, 32 ans, prenaient des bateaux de guerre avec des charges de cavalerie, mais sans grain, viande ni boulet, qui en autant de journées battaient trois armées en trois endroits différents, puis démolissaient leurs propres fortifications pour faire cuire la viande volée à leur propre fumoir, qui en une nuit, avec une poignée d'hommes, incendiaient et détruisaient vaillamment à l'ennemi un dépôt de vivres d'un million de dollars, et la nuit d'après se faisaient descendre d'un coup de fusil par un voisin qui les trouvait couchés avec sa femme. Bien sûr, il y a d'autres livres. Bien sûr, il y a Gone with the Wind, Autant n'emporte le vent, de Margaret Mitchell, que tout le monde connaît, mais que je me permets, avec beaucoup de gens, je crois, de ne pas tenir pour un chef-d'œuvre impérissable de la littérature américaine, encore qu'il y ait de bonnes évocations. Et il faut signaler, enfin, pour terminer, que les poètes se sont emparés de l'événement, à retardement aussi, et c'est un poète contemporain, somme toute, Alan Tate, qui a assez mélancoliquement montré que même ces événements extraordinaires, peu à peu, avaient une chance de sombrer dans l'oubli lorsque la nature, lorsque la vie triomphait de l'histoire. Et Alan Tate, ce faisant, va assez dans le sens d'une certaine psychologie américaine, dans la mesure où les Américains se méfient de l'histoire qui, disent-ils, les empêche de vivre. La mémoire est quelque chose à quoi répugne volontiers la conscience américaine, et cela est mélancolique aux yeux des Américains eux-mêmes dans certains cas. Et Alan Tate a écrit un assez beau poème sous forme d'ode dont vous allez entendre la seconde partie, c'est-à-dire la conclusion. À présent que le sel de leur sang renforce l'oubli plus salé de la mer et scelle la maligne pureté du flot, nous qui comptons nos jours et courbons nos têtes dans la douleur du souvenir, vêtus des habits enrubannés d'une lugubre félicité, qu'allons-nous dire des eaux immondes dont croîtra l'anonyme verdeur, des bras en lambeaux, des têtes et des yeux en lambeaux perdus en ces espaces d'un vert insensé. Les grêles araignées grises viennent, elles vont et viennent. Dans des saules entrelacés à l'abri de la lumière, le bizarre chant tendu et invisible de la chouette sème dans l'esprit le murmure furieux de leur chevalerie. Nous dirons seulement comment les feuilles volent, plongent et expirent. Nous dirons seulement les feuilles murmurantes dans la brume irréelle du crépuscule qui vole d'une aile innombrable. La nuit est le commencement et la fin, et entre les extrémités de la déraison attend la muette méditation, la patiente malédiction qui pétrifie le regard, ou comme le jaguar bondit sur sa propre image dans un étang de la jungle, sa victime. Que dirons-nous, nous qui portons au cœur le savoir? Porterons-nous l'action jusqu'au tombeau? Ou, dans un espoir plus grand, élèverons-nous le tombeau dans notre demeure, le tombeau dévorant? Laissez à présent la grille close et le mur qui se décompose. Le doux serpent vert dans le buisson de mûr fait mouvoir sa langue à travers le silence. Sentinelle du tombeau qui nous dénombre tous. Walt Whitman pendant la guerre de sécession par Roger Asselineau. Quant à Walt Whitman, qu'évoquera Roger Asselineau, il avait pris part incidemment à la guerre comme infirmier. Il publiera ses roulements de tambour et chantera la gloire de son ami Lincoln, mort pour la liberté du Nouveau Monde. Nous avons eu l'occasion, Roger Asselineau, de présenter dans une journée d'analyse spectrale de l'Occident la personnalité si originale et si foncièrement américaine du poète Walt Whitman. La guerre de sécession nous donne l'occasion de revenir sur cette belle figure et sur cette âme exaltée. Il aimait Lincoln, il avait la religion de l'univers, et son optimisme social devait s'accommoder difficilement de l'existence de nègres maintenus en esclavage sur sa terre, celle des hommes libres. Effectivement, cela était pour lui une cause d'inquiétude et de tourment. Mais en fait, son attitude a été très nuancée, et je crois qu'il serait intéressant de l'analyser, si vous voulez bien. Et pour prendre les choses par le commencement, expliquer quelle a été sa réaction au début des hostilités. Le 12 avril 1861, les troupes fédérales qui occupaient le Fort Sumter à Charleston, en Caroline du Sud, étaient bombardées par les batteries sudistes et se rendaient deux jours plus tard. Whitman a raconté dans Specimen Days, son livre de souvenirs, avec quelle émotion il a pris la nouvelle le lendemain soir à New York. L'événement n'était pas inattendu. Depuis plusieurs années, l'épreuve de force entre les deux camps semblait imminente et presque inévitable. Whitman, par haine des solutions bâtardes et des compromis, l'avait presque souhaité parfois. Et maintenant que l'heure était venue, il se sentait profondément remué et bouleversé. Le 18 avril, il nota dans un de ses carnets intimes « J'ai aujourd'hui, à cette heure, résolu d'inaugurer un corps sain, un sang pur, en m'abstenant de toute boisson, à l'exception de l'eau et du lait, et de toute viande grasse et de tout souper nocturne, un beau corps, un corps purifié, assaini, spiritualisé, fortifié. » Étrange résolution. N'est-ce pas là le programme d'un ascète qui se propose de faire pénitence pour racheter les fautes des hommes? Au plus profond de lui-même, sans ostentation, Whitman, semble-t-il, se solidarisait avec ses contemporains et entendait participer secrètement à leur épreuve. On peut s'étonner cependant qu'après avoir célébré le départ des troupes pour le front avec tant d'enthousiasme et de ferveur patriotique dans quelques-uns de ses poèmes, comme « Rouler, rouler tambour » ou « 1861 », il ne se soit pas engagé lui-même dans un régiment new-yorkais. Certains critiques le lui ont reproché, comme une lâcheté et une inconséquence. Mais c'est oublié que Whitman avait déjà 42 ans. L'âge moyen des volontaires était beaucoup plus bas, surtout au début de la guerre, environ 22 ans. Et n'est-il pas frappant qu'aucun de ses contemporains n'ait songé à le blâmer de cette soi-disant défection ou qu'il ne soit jamais venu à l'idée d'aucun de ses ennemis de s'en servir contre lui. Il y a d'ailleurs, outre son âge, bien des raisons à son abstention. Son tempérament d'abord, qui a toujours répugné à l'action, ses goûts casaniers, son humeur placide et son horreur naturelle de la violence, encore renforcée par son éducation quaker. On l'imagine mal transformé en guerrier, même si pour des raisons de principe, il est de cœur avec ceux qui se battent pour l'Union. N'avait-il pas d'ailleurs défini, dès 1855, le rôle d'un poète en temps de guerre de la façon suivante ? Il est la force la plus redoutable. Qui le recrute, recrute de la cavalerie et de l'infanterie. Il apporte avec lui les meilleurs parcs d'artillerie que les ingénieurs aient jamais vus. Si l'époque s'avelit et s'endort, il sait comment la réveiller. Il peut faire tirer du sang à tous les mots qu'il prononce. Pourtant, en 1864, il songea un moment à s'engager et s'en ouvrit à sa mère. « Il faut continuer la guerre, et je partirai volontiers comme simple soldat moi-même, si j'estimais devoir être plus utile ainsi que je ne le suis actuellement. Et je ne sais pas si je ne le ferai pas, si cette situation dure. » Cependant, jusqu'à la fin de 1862, il continua de mener à New York une existence paisible et qui ne différait pas sensiblement, en somme, de la vie qu'ont pu connaître les hommes de son âge aux États-Unis pendant les deux dernières guerres mondiales. Il était loin du théâtre des opérations, il suivait certes avec passion les nouvelles de la guerre, mais si grand que fût son pouvoir de sympathie, les combats ne pouvaient être pour lui que des abstractions sans réalité, qui ne l'affectaient pas profondément. On n'imagine pas la guerre, il faut la voir. Il en eut bientôt l'occasion. En effet, le 13 décembre 1862, il apprit que son frère George avait été grièvement blessé au cours d'une attaque et, sans hésiter, il prit aussitôt le train pour le sud afin d'essayer de le rejoindre. Le 19 décembre, il arrivait à Falmouth, en Virginie. C'est là que bivouaquait le 51e régiment de New York auquel appartenait son frère. George, dont la blessure n'était pas aussi grave qu'on ne l'avait craint d'abord, était déjà hors de danger. La présence de Whitman était donc superflue. Mais il s'attarda néanmoins à Falmouth jusqu'à la fin du mois, passant ainsi une huitaine de jours en première ligne au milieu des troupes. Ce fut pour lui une aventure inoubliable. Il partagea la dure vie des soldats, se nourrissant comme eux de porc salé et de biscuits de mer, et dormant à la belle étoile, malgré la boue et la neige, enroulé dans une couverture. Et surtout, pour la première fois, il vit la guerre de près, dans toute son horreur. Il n'assista, à vrai dire, à aucun combat. Mais il en eut sous les yeux les résultats immédiats. Il visita en effet l'hôpital improvisé où étaient soignés les cas les plus graves. Certaines des blessures étaient effrayantes. Dehors, au pied d'un arbre, à 10 mètres de la porte, un tas de pieds, de jambes, de bras, de mains fraîchement amputées attendaient qu'un tombereau vînt les enlever. Il vit plus horrible encore. Les blessés soignés dans les postes de secours, souvent couchés à même le sol, sous de simples tentes. Il se sentit aussitôt pris d'une immense pitié pour tous ces jeunes soldats qui souffraient atrocement et dont certains s'accrochaient convulsivement à lui et l'obligeaient à rester auprès d'eux pendant des heures. Cette rencontre accidentelle avec la guerre changea le cours de sa vie. À la fin de décembre, il quitta Falmouth avec un convoi de blessés dont il s'efforça pendant le voyage de soulager les souffrances, et au lieu de rentrer chez lui à Brooklyn, il s'installa à Washington pour pouvoir rester auprès de ses chers soldats. Désormais, jusqu'à la fin de la guerre, il va passer le plus de temps possible dans les hôpitaux militaires. Les lettres qu'il écrivit alors aux siens et à ses amis, et les pages de Specimen Days qu'il a consacrées à cette période, nous permettent de le suivre dans ses rondes charitables. Bien qu'il aida parfois les médecins et les infirmiers à changer les pansements, il ne fut jamais, au sens littéral du mot, un panseur de plaies, comme on l'a parfois surnommé. Et cependant, ce titre lui convient parfaitement. car s'il ne soignait pas les plaies du corps, il apportait à tous ces jeunes soldats, blessés ou malades, quelque chose qui était aussi nécessaire à leur guérison que les soins médicaux, mais que les règlements n'avaient pas prévu. Le réconfort d'une présence aimante, la douceur d'une affection presque maternelle, les délicates attentions d'une amitié ingénieuse. Il remplissait ce rôle avec un tact parfait et un doigté incomparable. Voici d'ailleurs en quels termes il essayait de l'expliquer dans une lettre. La tâche de visiteur dans un hôpital militaire est vraiment une profession, un art, qui réclame à la fois de l'expérience et des dons naturels, ainsi qu'un jugement très sûr. Un grand nombre de visiteurs dans les hôpitaux ne font aucun bien, et beaucoup même font du mal. Peu de gens se rendent compte que ce n'est pas uniquement la distribution des cadeaux qui réconforte, mais leur adaptation aux besoins de chacun. Rien de ce qu'on fait parmi les soldats ne sert à quelque chose si on n'examine pas consciencieusement en personne chaque cas particulier avec un sens critique bien aiguisé, mais aussi dans un esprit de sympathie humaine et d'amour infini. Pour beaucoup de blessés et de malades, surtout parmi les jeunes, il y a quelque chose dans l'affection personnelle, les caresses et le flux magnétique de la sympathie et de l'amitié qui, à sa façon, fait plus de bien que tous les remèdes du monde. Tels sont les principes qu'il mettait en pratique. Il allait de lit en lit, distribuant aux blessés des oranges, du sucre, des conserves de fruits, du tabac, dont les soldats étaient très privés, car aucun des missionnaires envoyés dans les hôpitaux par les différentes églises ne leur en apportait, et même de petites sommes d'argent. Mais surtout, il s'attardait au chevet des uns ou des autres et recevait leurs confidences. Il s'intéressait passionnément au sort de chacun d'eux et notait sur ses carnets les cas les plus remarquables. Beaucoup de ces jeunes soldats se sentaient délaissés et privés d'affection et il leur tenait lieu de famille, leur rendait le goût de vivre. Quelquefois aussi, il leur lisait des passages de la Bible ou des vers. À ceux qui étaient trop malades pour l'écouter ou pour lui parler, il offrait sa présence silencieuse, la présence d'un corps que dès le premier jour de la guerre, il avait voulu sain et pur. Il restait pendant des heures à leur chevet, s'il le fallait. Il s'opérait ainsi une mystérieuse transfusion de force. Tout se passait comme si sa sérénité et sa santé eussent été contagieuses. Les blessés à son contact reprenaient espoir. Il leur donnait le désir de guérir. Il était en somme ce guérisseur mystique qu'il évoquait dans la première édition des Feuilles d'herbe. Vers celui qui est mourant, quel qu'il soit, je me hâte et tourne le bouton de la porte. Rabats les couvertures et les draps au pied du lit. Renvoie chez eux le médecin et le prêtre. Je saisis cet homme qui s'en va. Je le soulève d'un vouloir irrésistible. Ô toi qui désespères, voici mon coup. Je ne veux pas que tu partes. Suspends-toi à moi de tout ton poids. Je te dilate d'un souffle formidable. Je te soutiens au-dessus de l'eau. Je remplis toutes les pièces de la maison de forces en armes. Force de ceux qui m'aiment, de ceux qui défient la tombe. Dors, moi et eux monteront la garde toute la nuit. Ni le doute ni la mort n'oseront te toucher. Je t'ai pris dans mes bras et désormais tu es mon bien. Et quand tu te lèveras au matin, tu verras que ce que je te dis est vrai. Je suis celui qui porte secours aux malades qui allaitent étendus sur le dos. Un fait est certain. Sa présence et ses soins faisaient parfois des miracles. Combien de blessés et de malades n'a-t-il pas réussi à sauver ? Mère, écrivait-il un jour chez lui, je suis vraiment très fier de te dire que j'ai conscience de sauver bon nombre de soldats en les empêchant d'abandonner la partie et en passant beaucoup de temps avec eux. Les hommes disent que c'est vrai et les docteurs disent que c'est vrai et je t'avouerai en toute franchise que je vois bien que c'est exact, bien que ce soit moi qui te le dise. Telle fut sa vie pendant la guerre civile. Vu de l'extérieur. Mais quel retentissement eurent tous ces événements sur lui-même et sur son œuvre. Lorsqu'éclata le conflit en 1861, il chanta aussitôt sa joie et son enthousiasme. C'en était fini des compromissions révoltantes. La guerre allait d'un seul coup d'épée trancher le nœud gordien des combinaisons politiques. Il exultait. Tous les calculs des démocrates favorables aux marchands d'esclaves du Sud se trouvaient déjoués. Ils avaient voulu imposer leur volonté à la masse de la nation, et voilà que les événements leur imposaient silence. Maintenant, la parole était au peuple, et non plus à ses intermédiaires corrompus. Il a exprimé cela dans un court poème. pendant longtemps, trop longtemps, ô mon pays. Parcourant des routes unies et paisibles, tu n'as connu que joie et que prospérité. Mais maintenant, ô maintenant, tu connais enfin la dure épreuve de la douleur. Voici que tu t'avances, que tu prends à bras le corps le destin terrible. Tu ne recules pas. À toi maintenant de comprendre et de montrer au monde ce que tes enfants en masse valent vraiment. Dans un autre poème intitulé 1861, il célèbre la guerre parce qu'elle est à ses yeux synonyme d'énergie, de vigueur mâle et d'élan généreux. Il refuse de chanter les douceurs de la paix débilitante. Il entend se consacrer dorénavant à la guerre. Peu lui importe qu'elle dure des mois ou des années, c'est une tâche virile. Il la considère comme une aventure fraîche et joyeuse. Telle fut sa première réaction. Mais au contact des dures réalités de la guerre, ses illusions ne tardèrent pas à se dissiper. Sa conception idéaliste d'une guerre rédemptrice et sacrée s'effondra lorsqu'il vit de près les horreurs dont elle était inévitablement accompagnée. Et il passa rapidement de l'enthousiasme à la désillusion. Soulevé par la colère, j'avais songé à battre l'appel aux armes et à pousser à une guerre sans merci. Mais bientôt, les doigts me manquèrent. Je courbai la tête et me résignai à m'asseoir au chevet des blessés et à les apaiser ou à veiller en silence les morts. Un jour, au cours d'une visite chez des amis, il s'emporta et se mit à parcourir la pièce à grands pas en s'écriant « Il faut arrêter cette guerre. Je vous dis qu'il faut arrêter cette guerre. » Aussi, désormais, au lieu de célébrer l'exaltation des volontaires qui partent pour les combats, il chante son infinie pitié pour les jeunes gens qui meurent et dont la vue le fait songer au Christ sur sa croix ou les souffrances des blessés opérés en première ligne et des mourants sur les champs de bataille. Mais cette crise ne dura pas. Sa foi en la démocratie était trop profondément ancrée en lui pour qu'il désespérât jamais tout à fait de la victoire finale. Au moment même où il était assailli par les doutes, il affirmait la nécessité de poursuivre la guerre. Dans une lettre à sa mère, il reconnaissait « L'instant d'après, je comprends combien il semble impossible d'abandonner la partie avant d'être arrivé à nos fins. » Peu à peu, les angoisses que lui causait ce grand déchirement s'apaisèrent. Et un an plus tard, il pouvait écrire à sa mère « Après la première bataille de Fredericksburg, j'étais découragé moi-même. Je me demandais si nos gouvernants pourraient poursuivre la guerre. Mais cela s'est passé. Il faut poursuivre la guerre. » Les victoires, remportées dans l'intervalle, lui avaient rendu courage et il se reprenait à espérer. Lui qui, naguère, s'attendrissait sur la mort des jeunes soldats dans « J'ai passé une étrange veillée sur le champ de bataille un soir » et dans « Chose vue au camp dans l'aube grise et pâle », il est résigné maintenant, car ces jeunes soldats ne sont pas morts vraiment. Ils survivent sous forme d'arbres et d'herbes et d'arômes exhalés par le sol qui parfumeront l'air pendant des siècles et des siècles. Cette vision panthéiste du cycle éternel de la vie le réconcilie avec l'horreur du présent. D'ailleurs, il lui semble entendre s'élever, au-dessus du carnage, une voix prophétique qui annonce le triomphe final de l'amour des camarades et la grande réconciliation des États dans la liberté et l'égalité. Les frontières vont disparaître. Grâce aux bateaux à vapeur et aux télégraphes, les distances seront abolies. Le monde va enfin connaître l'unité et la démocratie universelle. Rêves et prophéties d'infinie virtualité. C'est que la guerre a confirmé et renforcé sa foi en l'homme moyen. Il a été témoin du courage des soldats qui supportaient vaillamment des épreuves librement consenties et qui affrontaient la mort avec courage dans les hôpitaux. C'est cela surtout qui l'a frappé. « Jamais l'homme moyen, » a-t-il écrit alors, « jamais son âme ne fut plus énergique, plus semblable à un dieu. » Mais pour que se réalise son rêve de démocratie universelle, il faut au préalable que le Nord et le Sud oublient leur lutte fratricide. Aussi lance-t-il un appel à la réconciliation. C'est le titre d'un des poèmes qui se trouve à la fin de sa suite au roulement de tambour. Pendant toute la guerre d'ailleurs, malgré ses profondes convictions nordistes, il n'avait jamais eu que pitié et sympathie pour les soldats confédérés. Dans les hôpitaux, il les avait soignés avec autant de dévouement que les autres. N'avait-il pas les mêmes qualités essentiellement américaines que les soldats des armées fédérales? N'était-il pas aussi brave? Était-on brave d'un côté, écrit-il dans un autre poème, on l'était également de l'autre. On comprend donc sa douleur et son inquiétude lorsque Lincoln fut assassiné par un sudiste fanatique. Qu'allait-il se passer? Le Nord allait-il dans sa colère et son désespoir se livrer à des représailles sanglantes? C'en était fait alors de l'Union. Heureusement, il n'en fut rien et Whitman exulta, car c'était là, à ses yeux, une preuve supplémentaire de la maturité politique du peuple américain. « Nous devons avouer, dit-il, que nous avons éprouvé un sentiment de fierté en voyant que la main de la vengeance sommaire s'est arrêtée malgré les tourments de la colère et que l'on ait permis à la justice de suivre son cours infaillible. Assurément, le calme de la réflexion suivant la première chaleur de la passion nous a désignés d'une façon prééminente comme un peuple digne de se gouverner lui-même. » Telle fut pour Whitman la suprême leçon de la guerre civile. La guerre de sécession, leitmotiv du cinéma américain, par Henri Hagel. Le leitmotiv du cinéma américain, elle est bien cela, Henri Hagel, la guerre de sécession. Elle est la nourricière, si l'on peut dire, du western classique. Vous êtes l'auteur de l'Initiation au cinéma et autres livres sur le 7e art. Vous connaissez tous les films. Vous les avez étudiés en sociologue autant qu'en historien. On vous entend souvent dans les ciné-clubs présenter les grandes œuvres qui ont marqué les premiers temps de l'ère cinématographique et commenter aussi les films actuels. Mais dans les derniers, comme dans les premiers films américains, il est toujours question de la guerre civile qui a partagé l'Amérique entre deux conceptions de la vie que cette guerre a si brutalement opposées. Nous avons des cinéastes dans les deux camps. Voulez-vous nous dire pourquoi ? L'histoire de la guerre de sécession à travers le cinéma américain est bien caractéristique de cette intersection entre une certaine mythologie et une certaine sociologie qui caractérise la production hollywoodienne. On trouverait là toutes les interférences entre le constat historique, le document, le romanesque et précisément l'élément légendaire. Mais peut-être qu'avant tout, cette fameuse histoire de la guerre de sécession a provoqué chez les Américains une sorte de besoin de purification. Et à cet égard, il serait peut-être assez intéressant de les confronter à ce qui s'est passé pour les Grecs après la guerre du Péloponnèse, où en somme, nos ancêtres avaient mauvaise conscience. Cette guerre de sécession, c'est un peu, pour l'Amérique, une plaie à penser, un bilan à établir et, en somme, un futur à ménager. Ce qui nous intéresse ici, puisqu'il s'agit de cinéma, c'est surtout de savoir à quelle forme et à quelle structure esthétique et dramatique tout cela a abouti. Eh bien, tout naturellement, à tout seigneur tout honneur, il faut commencer par Griffith. En 1914, c'est « Naissance d'une nation » qui a été ce que André Bazin, l'un des plus qualifiés parmi les critiques du cinéma américain, a déclaré « un western du cycle de la guerre de sécession ». C'est en effet l'intersection privilégiée entre le western et l'épopée que nous offre le chef-d'œuvre de Griffith. En réalité, le grand cinéaste américain s'était déjà fait la main entre 1910 et 1913 par un certain nombre de westerns militaires, et en particulier par un film qui maintenant appartient au rang des classiques, La Bataille. Si Naissance d'une nation reste encore aujourd'hui, peut-être présentée à la cinémathèque et dans les ciné-clubs, c'est parce que le film, incontestablement, offre une sorte de triomphe du découpage dramatique, des mouvements de foule, du montage parallèle. Peut-être, évidemment, une seule question était la déplorée, c'est l'inspiration raciste de cette œuvre. On sait que Griffith était de formation et d'origine sudiste et que son film a été, en somme, une sorte de défense du Sud et un pamphlet pro-esclavagiste. C'est là un aspect sur lequel il est souhaitable de ne pas insister trop longuement. À côté de Griffiths, nous trouvons Thomas Innes. Thomas Innes qui, à la même date, réalisait la bataille de Gettysburg. Une œuvre qui, indépendamment de ses qualités de véracité historique, manifestait un sens aigu du mouvement cinématographique, des grands ensembles et du suspense. Mais en fin de compte, on pourrait dire qu'il n'y a peut-être pas, du point de vue esthétique, de différence vraiment spécifique entre ces œuvres comme la bataille de Gettysburg et tous les westerns réalisés par Thomas Innes dans la série Ryojim. Là encore, il y a une interférence entre les deux genres. Quelle est l'inspiration de ces films? Eh bien, Mitry et d'autres spécialistes du western nous l'ont dit. Ils ont expliqué que là encore, nous trouvions une tendance sudiste qui s'expliquait, il faut bien le dire, bien que ce ne soit pas très honorable, par l'origine même des capitaux avancés aux producteurs indépendants par des banques représentant les intérêts de l'économie du Sud, comme le rappelle Rieu Pérou dans la réédition de son livre magistral « La grande aventure du western ». Donc, de Thomas Innes à Griffiths, l'identité des sources financières entraîna l'identité des prises de position politiques. On sait très bien qu'en Amérique, il y a toujours une interférence entre la politique, les caractères économiques et l'art. Et à partir de ces deux géants, de ces deux pionniers du cinéma américain, nous allons avoir une série de films parfois obscurs, mais en tout cas très nombreux, qui mêlent à la fois l'histoire militaire et politique, la conquête de l'Ouest, la chronique des aventuriers modernes. Il y a là une espèce de magma dont les éléments psychologiques et historiques sont assez confus, mais qui en tout cas ont un style commun. Et c'est là ce qui nous intéresse et c'est là ce qui fera du western, comme l'a dit Bazin en une formule célèbre, le cinéma américain par excellence. En tout cas, ce western, qu'il soit militaire, historique, se rattachant à la guerre de sécession ou d'inspiration purement légendaire, ce western va former une sorte de courant protéiforme où tout l'éventail de l'épopée va se déplier. Entre 1935 et 40, on trouverait divers films qui méritent au moins pour l'historien une certaine attention. Les uns sont basés sur des épisodes authentiques, par exemple la stratégie du général Lee dans La révolte des dieux rouges. Tantôt c'est un exploit collectif comme La caravane héroïque. Très souvent le film est centré sur une vedette. Il est certain que on pourrait parler, par exemple, du cycle Errol Flynn, qui connaît peut-être son apogée dans un film comme La piste de Santa Fe. Quelquefois, la guerre de sécession joue simplement le rôle de fond de tableau, comme dans le film dont Shirley Temple est l'actrice, La fille du rebelle. Je cite simplement pour mémoire « Autant en emporte le vent », dont mon ami Jacques Siclier a longuement et pertinemment parlé dans son livre « Le mythe de la femme américaine ».« Autant n'emporte le vent », qui date de 1939, est une super production dont M. David Selznick était très fier, enfin qui avait surtout le but de rendre célèbre le livre de Margaret Mitchell et de mettre en valeur deux vedettes, Clark Gable et Vivian Leigh. En revanche, j'aimerais revenir un petit peu plus longuement sur le western commis par Curtis. Je dis bien commis, car ce western intitulé « La piste de Santa Fe » est une véritable trahison vis-à-vis de l'histoire. Là-dessus, M. Rieu Pérou insiste assez longuement dans son livre, et je crois qu'on peut lui savoir un certain gré de remettre les choses en place. Voici d'ailleurs ce qu'il nous dit très exactement. Il s'agit de John Brown, qui est devenu presque un personnage légendaire, une figure pleine de noblesse, dans le souvenir américain. Ancien combattant de guérilla anti-esclavagiste au Kansas, il brûlait d'un feu intérieur ardent pour une cause à laquelle il voit son existence. Produit de cette époque troublée, dans laquelle se jouait le sort de la jeune nation, il fit irruption sur la scène politique par une action d'éclat condamnée à l'échec. Le coup de main contre l'arsenal fédéral de Harper's Ferry en Virginie. Blessé, capturé, il fut pendu. Les démocrates du président Buchanan, alors à la Maison-Blanche, commirent là leur faute la plus grave en donnant au Nord un martyr. Poètes, journalistes, écrivains du monde entier saluèrent son courage. En regard de ce tragique épisode, continue Rieu Pérou, que dit le film de Michael Curtis ? Que John Brown était un illuminé, un fou démoniaque, que les abolitionnistes devaient être exterminés comme irrespectueux des lois du pays, que l'armée fédérale, grâce à des héros aussi énergiques et téméraires que Rolph Lynn, veillait sur la patrie, etc., etc. Même Griffiths n'osa pas aller aussi loin dans l'expression de son sudisme, œuvre de propagande retardataire, et dans quel but ? La piste de Santa Fe desservit la réputation de Michael Curtis, qui là encore, et comme indifférent à la portée véritable du sujet, s'employa à soigner surtout la mise en scène. Je crois qu'il y a là quelque chose d'assez grave qui révèle combien il y a une perte de sens civique et national dans cette génération, puisqu'en fin de compte, cette histoire en elle-même si douloureuse et si tragique et qui avait comporté ces martyrs, servait en somme uniquement de prétexte à des histoires quelque peu rocambolesques. Eh bien, ne soyons tout de même pas trop pessimistes. En regard de ceci, nous trouverions incontestablement un fond humain et social qui mérite notre sympathie, et ce fond nous apparaîtrait à la fois dans une certaine peinture de la vie militaire, dans l'étude du comportement de ces aventuriers qui passaient assez facilement d'un camp à l'autre. À cette époque-là, il y avait pas mal de chercheurs d'aventure dont les convictions étaient indéterminées et qui, comme Alcibiade, une fois de plus encore, à l'époque de la guerre du Péloponnèse, allaient des nordistes aux sudistes avec une certaine facilité. Eh bien, le cinéma de cette époque nous a retransmis cela. Il y avait aussi une étude, parfois assez honnête, de la complexité de l'homme sudiste qui, après tout, n'était pas tellement simple et qui, parfois, offrait des crises de conscience, des tempêtes sous un crâne. Dans ces perspectives, je crois qu'il faut mettre à l'honneur un certain nombre d'hommes et de films, précisément pour cette authenticité. D'abord, tout ce qui concerne le président Lincoln, dont le nom est intimement lié à l'histoire de la guerre de sécession. Ensuite, les prolongements dans la vie sociale de cette guerre ont provoqué une sorte de recrudescence du banditisme. Et puis enfin, sur un plan plus humble mais non moins intéressant, la vie des soldats qui ont été parfois les héros obscurs de cette guerre. Eh bien d'abord, je crois qu'il faut rendre justice à Ford, et on n'est pas étonné que ce pionnier, que ce vétéran qui n'a pas toujours eu la main aussi légère et le goût aussi sûr qu'on pourrait le souhaiter, se trouve placé à l'honneur. Jean Mitry, dans son très beau livre sur John Ford, insiste sur deux films, « Je n'ai pas tué Lincoln » et « Vers sa destinée », qui tous les deux, tout en nous montrant l'histoire du président des États-Unis, retracent avec une certaine vigueur l'ambiance historique assez déchirée qui était celle de cette époque. Sur un autre plan, sur le plan de la recrudescence du banditisme qui a surtout été illustrée par l'histoire des frères James, ces fameux frères James qui en un sens avaient des circonstances atténuantes dans la mesure où il leur est arrivé ce qui arrive après toutes les guerres, c'est-à-dire une espèce de manie meurtrière et de désir d'aventure qui parfois n'est plus déterminé et justifié par un idéal, mais qui finit par devenir en soi-même une justification. Ces frères James comportent déjà dans la ballade, dans la chanson, dans le roman, tout un cycle, toute une saga. Il y a une saga de Frank James qui a fini par devenir un personnage très sympathique au public américain. Et à cet égard, il faudrait citer à la fois le film de Henry King sur Jesse James et le brigand bien-aimé. Mais c'est à Ford que je reviendrai une dernière fois, et je mettrai au crédit de Ford, dans un de ses films à mon sens les plus vigoureux, les mieux charpentés, qui s'intitule « Les Cavaliers », une peinture, mon Dieu, qu'on pourrait déjà appeler en un sens néo-réaliste, en quelque sorte, de la vie militaire. Une fois de plus, c'est à Rieu-Pérou que je voudrais revenir, car il en parle en termes assez judicieux. Des hommes se rencontrent, vivent ou meurent côte à côte, s'opposent ou se rejoignent, s'évaluent pour se détester ou se comprendre à l'occasion d'un conflit qui engage leur existence et celle de la nation. Il va de soi que les implications philosophiques du sujet, brossées aux couleurs de la fresque historique, ne peuvent recevoir d'autre traitement que celui voué à l'étude de personnalités aussi représentatives d'une classe définie et d'un temps de bouleversement profond. L'imagerie consacrée n'y suffit plus. Le conflit psychologique s'installe dans le récit qui lui-même déborde le cadre de l'action, qui est le raid contre le nœud ferroviaire de Grierson, épisode authentique de la guerre de sécession. À travers l'anecdote, s'esquisse un portrait du Sud, peint de touches brèves, souvent évanescentes, dont l'ensemble exprime l'opinion de John Ford sur une manière de penser et de vivre concernant une société. Il porte sur elle un regard d'une lucidité égale à celui porté sur les pionniers de la vallée du Mohawk, les occupants de la diligence, de la chevauchée fantastique, les fermiers du désert ou le monde clos des Buffalo Soldiers. Eh bien, il y a là une chaleur, il faut le dire, une verve, une humanité, qui fait qu'on a pu comparer plusieurs fois John Ford à Victor Hugo et qui, dans ce film, sont tout à fait justifiées. Ainsi donc, si nous faisons le bilan du cycle de la guerre de sécession, bilan certes un peu sommaire et qui exigerait de plus longues analyses, à travers une cinquantaine d'années de cinéma américain, nous verrons que, du point de vue de la structure, nous avons des formes cinématographiques qui débouchent tantôt sur le document, tantôt sur le pamphlet, parfois sur l'épopée westernienne, parfois sur une sorte de rêverie lyrique, mais qu'un certain nombre de caractères communs se retrouvent généralement, qui seraient en gros les suivants. Pour l'Amérique, retrouver une bonne conscience. Ensuite, développer certaines structures cinématographiques conformes au tempérament américain et aussi, c'est évident du point de vue du grand public, entretenir une certaine exaltation romanesque en utilisant d'une manière plus ou moins fidèle le passé des États-Unis. Au-delà de tout ça, pourtant, je verrai ce qui me paraît le plus valable, quelque chose qui, là encore, est spécifiquement américain et au meilleur sens du terme, le désir de faire connaître et de faire aimer une humanité qui se battait pour un idéal. N'oublions pas que pour les Américains, cette guerre de sécession a été à la fois leur chanson de Roland, leur guerre de religion, leur révolution française, leur épopée napoléonienne et leur résistance de 1940. En tout cas, l'unité de ces divers éléments qui peuvent sembler disparates, l'unité est donnée par le sens du mouvement, par le sens du rythme. Et à cet égard-là, c'est encore à Bazin qu'il faut revenir et donner dernier mot, de même qu'il a pu dire que le western était le cinéma américain par excellence, je pense que cette forme du western qui nous est offerte par la guerre de sécession a développé des virtualités profondes du cinéma d'outre-Atlantique qui consiste précisément à utiliser les structures fondamentales du septième art, c'est-à-dire l'espace et le temps, pour leur donner une certaine ampleur, une dernière glorification, et pour en fin de compte faire du cinéma à l'état pur. La musique américaine, au temps de la guerre de sécession, par André Gauthier. Il reste la question de la musique américaine, celle qui se chantait, puisqu'il s'agit de chants, au temps de la guerre de sécession. André Gauthier, vous l'avez étudié et vous êtes l'auteur notamment de cette musique américaine, un petit livre si bien fait. Quand nous disons musique américaine, c'est surtout à la musique nègre que nous pensons. Eh bien, en effet, au milieu du XIXe siècle, la musique américaine en est encore à ses premiers balbutiements, en dépit d'une activité musicale de plus en plus intense et de la place que la musique n'a jamais cessé de tenir en terre américaine. Loin d'être dénuée d'intérêt, cette période qui vient de s'étendre sur deux siècles a vu cependant se construire de toutes pièces un champ d'action à la mesure ethnologique et psychologique d'un pays neuf et qu'il est difficile de considérer en marge des références habituelles. Pays où tout est présent et à venir et dont les habitants venus de toutes les contrées d'Europe demeurant étrangers ou indifférents à l'existence d'un art populaire local, difficilement assimilable du reste, cependant qu'ils finissent par oublier le leur et tout en ayant au fond d'eux-mêmes un constant besoin de musique. La pratique du chant choral, notamment les psaumes pendant le culte ou le chant polyphonique en famille, les premiers concerts, les premières représentations théâtrales et surtout l'installation en terre américaine d'artistes ou de compositeurs venus d'Europe devait favoriser la naissance d'une école dont la principale ambition est d'être spécifiquement américaine et de trouver l'accent original propre à son expression. Cette école devait mettre près de 2 siècles à la réaliser, et tandis que le sens démocratique propre à la nation des nations s'étendait spontanément à une conception de la personnalité créatrice et de la consommation étrangère aux habitudes européennes, la syntaxe des compositeurs se libérait très lentement des influences successives amenées à peser sur elle. Par ailleurs, évidemment, l'éclectisme élevé à la hauteur d'une vertu nationale ne pouvait que freiner cette recherche d'un idiome typiquement américain et qui puisse prendre place à ce titre dans le concert universel. Et cependant, si la musique d'expression classique n'avait pas encore trouvé ni son accent ni son registre, la musique populaire accumulait déjà ses trésors et notamment ses chants sacrés d'une couleur si personnelle que sont les Negro Spirituals. Nés pour la plupart dans la première moitié du siècle, ils n'étaient guère connus avant la guerre de sécession, et nul ne s'avisait d'y voir une expression typiquement américaine issue de la rencontre de 2 mondes et de 2 races. Si la religion chrétienne, avec ses hymnes et ses cantiques, n'avait pas pénétré parmi les Noirs, déjà américanisés et fort différents de leurs frères d'Afrique, les spirituals n'auraient jamais existé avec leur mélange de sensualité et de mysticisme, leur intensité rythmique si caractéristique et d'une originalité qui n'a plus rien de commun avec celle des différents chants africains dont on a cru pouvoir les rapprocher. En retenant, pour les transformer au creuset de ces traditions ancestrales, les thèmes musicaux européens qui lui paraissaient aptes à subir cette transformation, le noir américain donnait naissance à la forme suprême du génie de sa race. Soon we'll be done with the troubles of the world, going home to live with God. Soon we'll be done with the troubles of the world, the troubles of the world, the troubles of the world. Soon we'll be done with the troubles of the world, going home to live with God. Sous le couvert de la Bible, il s'agira pour lui de chanter les malheurs de l'esclavage et le désir d'un avenir meilleur, mais dans le seul espoir d'y connaître le repos et la joie, avec l'oubli total des fardeaux terrestres. Il s'agira aussi de se représenter et d'apprendre à ses frères l'essentiel de l'histoire sainte, avec une naïveté qui n'est pas sans évoquer les figurations des chapiteaux et des tympans de nos églises romanes, ici comme là, l'évocation devant être assez persuasive pour frapper l'imagination et se graver dans la mémoire. Le paradis qu'on peut atteindre par le fameux petit chemin de fer où tout le monde a sa place, ce paradis est devenu un lieu de lait et de miel, de harpe et de couronne. Tous les enfants de Dieu y auront une robe, des ailes, des chansons et des ornements d'or. Parfois cependant, un chant de misère et de solitude s'élève au milieu de ces visions réconfortantes. Et le poète, porte-parole de la tribu et qui chante ce qu'il y a dans toutes les âmes, atteint alors à une expression déchirante. Il dit, dans l'un des plus beaux textes que nous connaissions, et dont la traduction trahit évidemment le rythme profond, « Je sais le clair de lune et la nuit étoilée, j'étends mon corps. Je marche dans la clarté de la lune et dans la clarté des étoiles, j'étends mon corps. Je marche dans le cimetière, je traverse le cimetière, j'étends mon corps. Je me couche dans la tombe et je tends les bras, j'étends mon corps. Je vais au jugement à la tombée du jour, j'étends mon corps. Et mon âme et votre âme se rencontreront dans le jour. J'étends mon corps. » C'est ainsi que les Noirs sont venus à la musique pour en faire la complice du grand voyage terrestre et la messagère d'un moyen d'échapper à la cruauté de la destinée, soit en protégeant le fond d'ironie indispensable au regard le plus blasé, soit en gardant l'espérance en un monde meilleur où la vieille soif d'égalité entre les hommes trouvait son compte. Et c'est pourquoi, par-delà la beauté de la mélodie ou l'intensité du rythme, les spirituals désignent la voie royale de l'inconscient et ces portes d'ivoire dont parle Gérard de Nerval qui s'ouvrent sur nos secrets. Mais leur romantisme est sans commune mesure avec le nôtre. Il n'est pas cette immense passion du néant considérée comme la seule métaphysique assez absurde pour enchérir sur le non-sens de la vie. Il n'est pas non plus cette tragique dépense de force qui fait éclater la vieille humanité, pulvérise les civilisations et risque de laisser pantelante l'espèce humaine. Ce n'est qu'un simple chant, un chant où le pathétique de l'existence engage une fois de plus le corps à corps avec les éternelles visions de chaînes brisées, avec les grands mythes de liberté sortant des entrailles du monde. Un chant dont l'anonymat semble dilapider dans le temps l'inutile trésor de sa solitude, mais un chant dont la densité est à ce point saisissante qu'au moment même où il s'y plonge, l'homme voit dans ses bras impuissants deux ailes divines qui le transportent au seuil du paradis et pour l'éternité. I want to meet my Jesus, I'm going to live with God. In the morning, Lord, I want to meet my Jesus, I want to meet my Jesus, I want to meet my Jesus, I'm going to live with God. I'm going to live with God. I'm going to live with God. Le problème noir après un siècle, par René Raymond. René Raymond. Il est temps de revenir aux conséquences de la victoire de l'Union, puisque les sudistes ont perdu cette guerre qui n'avait que trop duré. La plus pénible de ces conséquences n'est-elle pas le nouvel aspect qu'a pris, à la suite de la défaite des sudistes, la situation des Noirs affranchis par l'Union? L'abolition de l'esclavage a posé et continue à poser pour eux le problème de la ségrégation qui n'a pas encore été pleinement résolue. La guerre de sécession, la victoire du Nord, n'avait pas réglé définitivement le problème posé par une minorité de couleur à l'intérieur de la société américaine. Lincoln avait bien fait abolir l'esclavage à partir de 1863, mais depuis, la condition des Noirs demeure une condition inférieure. Dans le Sud, les gouvernements blancs imaginèrent toutes sortes de subterfuges et de détours pour vider de toute réalité pratique les amendements votés par le Congrès et qui les astreignaient à reconnaître l'égalité civile et politique entre Noirs et Blancs. Depuis 1863, le problème noir se pose dans des termes différents. Ce n'est plus la condition servile, c'est l'inégalité, c'est la ségrégation. Et même le problème noir s'est étendu. Avant la guerre civile, il ne se posait guère que dans un petit nombre d'États situés au sud. Depuis la Première Guerre mondiale, le problème noir est en quelque sorte sorti de ses frontières habituelles, de son aire d'origine. Une émigration a étendu la question aux États du centre et du nord. Les Noirs cherchaient à échapper à l'infériorité héréditaire dans le sud, et le développement de l'industrie constituait un appel. Si bien que depuis une cinquantaine d'années, le problème noir est devenu un problème national, posé à la plupart des États, et il suffit d'évoquer la situation d'Harlem en plein cœur de New York pour souligner qu'il ne s'agit pas d'une situation spécifiquement sudiste. Les Noirs représentent à peu près 10% de la population américaine, une vingtaine de millions. Cependant, depuis un quart de siècle environ, le problème a beaucoup évolué. Dans le Sud, les lynchages se sont raréfiés au point de disparaître presque complètement, et surtout, un certain nombre de facteurs sont venus précipiter l'évolution juridique des Noirs. Il y eut l'action d'un certain nombre de groupements, l'Association pour la promotion des gens de couleur, entre autres, tout un mouvement d'opinion dont la personnalité du pasteur Martin Luther King est en somme aujourd'hui le symbole et la figure de proue. Il y eut aussi le rôle de l'administration fédérale, de certains présidents, Franklin Roosevelt, Truman, Kennedy, assisté par son frère dans les fonctions d'attorney général. Il y eut surtout l'action de la Cour suprême. C'est en définitive la Cour suprême qui a eu sans doute l'influence la plus décisive sur l'évolution du problème noir depuis une dizaine d'années. Et on pourrait presque jalonner l'évolution par les grands arrêts. Le premier en date étant celui de 1954, date décisive, qui proclame illégale, contraire à la Constitution, la ségrégation scolaire. Et c'est en application de cette décision de la Cour suprême que un mouvement de déségrégation scolaire s'est peu à peu opéré et développé dans nombre d'États. Ce mouvement a provoqué, on le sait, de vives réactions, marquées par les événements de Little Rock en 1957, d'Oxford dans le Mississippi en 1962. C'est en application de la décision de la Cour suprême que le gouvernement fédéral a pu intervenir pour faire respecter la décision de justice en envoyant notamment des troupes fédérales. Plus récemment, tout près de nous, au cours d'un été qu'on a qualifié d'été chaud, l'été de 1964, il y eut le vote de la loi sur les droits civils. Cette loi, dont le projet avait été élaboré par le président Kennedy, a été reprise à son compte, soutenue, défendue par le président Johnson. C'est en quelque sorte le dernier état de la question. Ce n'en est point le terme ultime. Il s'en faut en effet que le problème noir soit réglé, ne serait-ce que la loi sur les droits civils demande à être appliquée. On sait qu'elle se heurte à de vives résistances. Les incidents qui depuis plusieurs jours défraient la chronique à Selma dans l'Alabama montrent assez que les administrations locales opposent obstruction et mauvaise volonté à l'application de la loi sur les droits civils. Mais surtout le problème est autant sociologique et économique que juridique. La condition noire est une condition d'infériorité en raison des difficultés même qu'ils ont de faire des études, d'accéder à la culture, de recevoir une instruction. À côté de la proclamation des droits, il faut leur assurer en quelque sorte les moyens de ces droits et les conditions pratiques. Et c'est surtout un problème psychologique, un problème d'éducation. Il convient de convaincre les esprits, de désarmer les préventions, de gagner les cœurs. C'est la raison pour laquelle tout un mouvement chez les Noirs utilise la non-violence de façon à gagner les Blancs et assurer dans l'ordre et le calme l'égalité. C'est un problème difficile qui est aujourd'hui au cœur de la vie politique. On peut dire de lui que c'est le problème numéro un, que c'est celui qui va peser dans les décennies à venir sur le développement des institutions, les rapports entre les partis et le développement de l'opinion publique. La question raciale en Amérique du Nord, par Stanislas Fumet. Dans un livre écrit, ou plutôt dit, en anglais, puisqu'il réunit trois seminars, trois cours prononcés à Chicago en novembre 1956, mais qui apparut en édition américaine avant de se voir traduit en français sous ce titre « Réflexion sur l'Amérique », le philosophe Jacques Maritain a fait une place à cette première écharde dans la chair de la nation américaine dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y est rendu hommage au révérend Martin Luther, le guide spirituel des gens de couleur, comme il dit, que le prix Nobel qui vient de lui être décerné a rendu célèbre dans le monde entier. Mais Jacques Maritain n'a pas manqué de saluer non plus une autre voix, catholique celle-ci, et de race blanche, qui a pris position vigoureusement contre la ségrégation raciale qu'était, il est mort depuis, l'admirable Père Lafarge. Nous faisons de l'analyse ici. Pour être spectrale, elle n'en est pas moins de l'analyse. Elle cherche même à l'être davantage en vertu de son pouvoir plus poussé de pénétration. Maritain, dont l'art philosophique consiste à distinguer, non pas pour classer, mais pour unir, fait remarquer que la loi fédérale affirme et réclame l'égalité complète de tous les citoyens sans aucune sorte de discrimination raciale. Malheureusement, la loi n'est que la loi, et les individus ne lui sont pas toujours accordés. Voilà pourquoi, note-t-il, Chaque fois qu'un conflit ouvert s'élève entre les mœurs et la loi fédérale, une sorte d'épreuve de force a lieu. C'est ce qui a compliqué les choses après la guerre de Sécession. Jacques Maritain voit parfaitement clair, mais il est l'homme qui cherche toujours à comprendre, qui ne condamne pas, en dénonçant l'erreur, celui qui l'a prise pour une vérité ou qui a pris une passion pour une raison. Il lui montre charitablement ce qui peut l'avoir induit à se tromper. Je reprends sa thèse. La ségrégation, dit-il, mise en vigueur par la loi, dans ses formes multiples qui affectent tous les aspects de la vie sociale, existe encore dans les États du Sud comme un legs d'une structure sociale qui était basée sur l'esclavage. Elle correspond non seulement à des préjugés invétérés, mais aussi à des coutumes et des traditions invétérées, auxquelles les activités quotidiennes de l'homme blanc et du noir se sont ajustées pendant des générations et dans le cadre desquelles de meilleures conditions pour la population noire et même un progrès vers une sorte de justice raciale paternaliste ont été à même de se développer, à la condition préalable que les nègres continuent à être regardés et à se regarder comme socialement mineurs. On doit sans doute envisager avec compréhension et sympathie les difficultés auxquelles bien des gens de bonne volonté, conscients de leurs devoirs envers la population de couleur, mais liés par leurs propres traditions locales, ont à faire face dans le Sud. Il est fort possible au surplus, comme ça a été le cas avant la guerre civile au temps du régime de l'esclavage, qu'un certain nombre de familles nègres puissent mener une vie plus heureuse, plus libre de soucis, dans la situation que nous venons de mentionner, qu'elles ne le feront avec les responsabilités de l'âge adulte. Mais la question dont il s'agit ne concerne pas le bonheur, elle concerne les droits de l'être humain, et c'est une question à laquelle il est impossible d'échapper. Je ne doute pas qu'après un intervalle de temps plus ou moins long, et malgré les obstacles que certains éléments locaux ne manquent pas de susciter, la ségrégation légale disparaîtra complètement sous la double pression de la législation fédérale et des décisions de la Cour suprême et du combat que mène avec tant de dignité, de pondération et de dévouement la population noire des États du Sud. Mais on a tendance à oublier ceci, que Maritain nous rappelle, c'est que le préjugé racial n'est pas limité aux États du Sud. À un degré ou à un autre, il intéresse toute la nation américaine, dit-il, plus loin. Pour nous résumer, disons que ce que nous avons sous les yeux, quand nous considérons d'ensemble la question raciale en Amérique, c'est le spectacle d'une nation qui lutte opiniâtrement contre elle-même, ou plus exactement, contre de larges secteurs de son propre peuple, contre un certain héritage de mal dans ses propres mœurs, et contre les démons du cœur humain, afin de se délivrer d'abus qui répugnent à son esprit et d'élever son comportement pratique général au niveau des vérités et des principes auxquels elle croit et dans la force desquels elle a pris naissance. La question nègre est une écharde dans la chair de la nation américaine. La manière dont la nation comme telle ou le corps politique, au milieu de toutes sortes d'oppositions et de difficultés locales, réagit contre cette blessure et va de l'avant, cherchant plus ou moins à tâtons, mais sans répit, justice et équité pour tous, commande le respect et fait voir, au sein de l'infirmité humaine, beaucoup de grandeur humaine. Je ne saurais trouver meilleure conclusion que celle qui tient dans les derniers mots que je viens de citer. Sud est la première pièce que Julien Green ait fait représenter au théâtre. C'était à l'Athénée Louis Jouvet en 1953. Elle se passe quelques heures avant la guerre de Sécession. L'action, précise l'auteur, se déroule dans le salon d'une grande plantation aux environs de Charleston, dans la Caroline du Sud. Regina, la nièce de Mrs. Strong, est orpheline. Elle est du Nord, et si elle se trouve depuis quelque temps en Caroline du Sud, c'est parce que l'oncle qui s'occupe d'elle et qui est ruiné l'a envoyée chez son frère, qui vit avec sa sœur, Mrs. Strong, M. Broderick, qui l'a reçue volontiers chez eux. Lorsque l'on sent la guerre toute proche, M. Broderick, le rôle est tenu par Michel Etcheverry qui l'a créé, se demande s'il convient de garder la jeune fille à la maison. Voici le moment où il vient faire part à sa sœur, Mrs. Strong, de son inquiétude. Mrs. Strong est assise dans son fauteuil. Mrs. Strong est interprétée par Claude Genia et Regina par Françoise God. Oh, je ne sais pourquoi je me sens si lasse aujourd'hui. C'est peut-être cette première journée de chaleur. Et puis le sermon était insupportable cet après-midi. Le révérend Locke nous a traînés du haut en bas de l'enfer et de long en large à travers le soufre et la fumée de sa rhétorique. Je suis à peu près certaine de m'être assoupie une fois ou deux. Tiens, Edouard, te voici. Pourquoi as-tu l'air si soucieux? Veux-tu qu'on te serve à boire? Non, merci. Je suis soucieux à cause des nouvelles. Elles ne sont pas plus mauvaises qu'hier. Elles sont plus mauvaises dans la mesure où l'on ne sait plus bien de quoi il s'agissait tout d'abord. Tant qu'une question reste claire, il y a moyen d'en sortir. C'est quand les choses se compliquent que le péril devient aigu. J'ai parlé tout à l'heure au révérend Locke. Il demeure optimiste. Le révérend Locke est un saint homme qui n'entend rien aux choses de ce monde. Où est Regina? Je veux lui parler. J'espère que tu ne vas pas faire peur à cette petite. Je vais lui dire de s'en aller pendant qu'il en est encore temps. Es-tu fou? À t'entendre parler, on croirait que le Sud est déjà envahi. Personne ne veut la guerre. Ni le président Lincoln, ni aucun des États du Sud, alors. Tiens, regarde le journal. Eh bien, quoi? Le gouvernement du Nord refuse de retirer ses troupes de la Caroline du Sud et veut au contraire les réapprovisionner. Ce sont là les rodomontades habituelles à Washington. Ces gens-là seraient consternés si un seul coup de fusil était tiré. Mais il se trouvera bien quelqu'un de chez nous pour leur rabattre le caquet. Pourquoi Regina ne vient-elle pas? Je te supplie de réfléchir à ce que tu vas lui dire. Même s'il y avait la guerre, la place de cet enfant est ici. Peut-on seulement imaginer qu'elle soit en danger parmi nous? Elle aura beau faire, elle est du Sud par le sang. Elle a été élevée dans le Nord, mais elle adoptera notre façon de voir, je m'en charge. Oh, tu ne la changeras pas, il est trop tard. Elle a 22 ans. Et puis secrètement, elle veut partir. Et si elle voulait partir, elle serait déjà loin. Elle n'est pas partie parce qu'elle croyait que c'était impossible. Mais ce qui était impossible hier devient possible aujourd'hui. Et Regina est très malheureuse à la plantation. Nos idées, notre façon de vivre, tout la choque et la scandalise. Par la pensée, elle vit là-bas, dans le Nord. Je veux qu'elle s'en aille. Et où irait-elle? À Boston, chez son oncle. Ce vieux fou! Il est beaucoup trop occupé de ses conversations avec l'Éternel pour se soucier de Regina. D'abord, il n'a pas un sou. Ça, c'est ce qui te trompe. Je lui ai écrit, il y a un mois, un des moments les plus difficiles de la crise. J'ai eu sa réponse avant-hier. Un arrangement financier a été conclu avec une banque. Regina peut partir dès après-demain. Je l'accompagnerai moi-même jusqu'au chemin de fer. Mon frère sera prévenu par télégraphe et l'attendra à Washington mercredi soir. C'est inouï. Comment ne m'as-tu pas informé de ta décision? Il était inutile de te troubler. Mais où est-elle donc? Regina? Regina? Oui? Bien. Assieds-toi, Regina. J'ai quelque chose à te dire, mais tout d'abord, je vais te poser une question. Réponds sans hésitation ni crainte de nous froisser. Voici un an que tu habites Bonaventure. Y es-tu heureuse? Heureuse? Non. Pourquoi? Simplement, je n'aime pas le Sud. Quand tu dis que tu n'aimes pas le Sud, tu ne parles pas seulement du climat, de ce que tu vois autour de toi. Tu prends le Sud dans son sens le plus large. Ce sont nos idées que tu n'aimes pas. Oui, surtout vos idées. Je ne pense pas comme vous. Je ne me sens pas d'ici. Si un conflit éclatait entre le Nord et le Sud, tes sympathies seraient du côté du Nord. Oui, du côté du Nord. Edouard, je trouve cet interrogatoire pénible pour nous tous. Il n'est pas du tout pénible pour moi, ma tante. Être du côté du Nord, Regina, c'est souhaiter la victoire des armées du Nord sur les armées du Sud. À Dieu ne plaise que nous en venions là. Mais s'il y avait la guerre, oui, je souhaiterais naturellement la victoire du Nord. Dans ce cas, juges-tu raisonnable que je t'aide à retourner dans le Nord? Oui. Je trouve que ce serait raisonnable. Sans doute as-tu déjà réfléchi à cette éventualité? Oui. Tu es libre, mon enfant. Tu peux rester si tu veux rester. Et si tu veux partir, je me charge de te faire regagner le Nord avant que la semaine soit écoulée. Je vous en serai reconnaissante. Regina, tu es ingrate. Non, ma tante. Je n'oublie pas ce que je vous dois. Malgré tout, je veux partir. Vous et mon oncle Édouard avez toujours été bons pour moi. Mais la question m'est posée aussi directement que possible, et j'y réponds de même. Je veux partir. Ton oncle te recevra chez lui. Il n'est pas riche, mais j'ai fait en sorte que tu ne manques de rien jusqu'à ce que tu sois mariée. N'es-tu pas bien ici? Regina est libre de réfléchir jusqu'à demain, si elle veut. Elle sait que nous lui sommes tous attachés, par conséquent, elle peut revenir sur sa décision. Mais je ne veux pas qu'elle reste à Bonaventure si elle y est malheureuse. Croyez ce que je vous dis, mon oncle. Je veux partir. Quitter à jamais cette maison, ce pays. Est-ce à cause des mauvaises nouvelles? Non. Je ne suis pas aussi sûre que vous qu'il y aura la guerre. Mais j'ai réfléchi dans ma chambre tout à l'heure. J'ai compris certaines choses que je n'avais peut-être pas bien comprises jusqu'alors. Je suis malgré tout d'avis que tu réserves ta réponse jusqu'à demain. Si tu décides alors de partir, je t'accompagnerai jusqu'à Charleston, en calèche. Et nous aurons le temps de voir la ville qui est très belle. Après quoi, je te mènerai au chemin de fer. J'espère que tu n'as pas peur de voyager en chemin de fer. Oh non, mon oncle. J'ai pris le chemin de fer pour venir ici. Je n'ai pas du tout eu peur après les 10 premières minutes. On finit par s'habituer très bien. Il y a autre chose que je voudrais te dire. Tu entendras me dire de nous dans le Nord. L'idée qu'on se forme là-bas d'un planteur du Sud est très fantaisiste. As-tu jamais vu frapper un esclave à Bonaventure? À Bonaventure, non. Je ne parle pas du fouet dont la seule idée fait horreur. J'ai interdit que, de quelque manière que ce soit, on lève la main sur un noir. Sais-tu cela? Oui. A-t-on jamais séparé ici un esclave de sa femme, une mère de ses enfants? Pas que je sache, mon oncle. N'est-il pas vrai qu'au moment de Noël, j'ai rendu la liberté à 28 esclaves et que 25 d'entre eux sont revenus parce qu'ils ne savaient où aller? Cela prouve que vous êtes humain dans les limites que vous imposent les mœurs du Sud. Mais les 3 esclaves qui ne sont pas revenus témoignent contre vous. Et je suis avec eux. Je ne vous reconnais pas le droit de posséder un seul esclave. Impertinente. Tu lis ta Bible tous les jours? Et tu ne sais pas que tous les patriarches avaient des esclaves? Mais ne discutons pas sur ce point. Je n'ai pas besoin de te dire, Regina, qu'il y a dans tout le Sud un mouvement en faveur de la libération des esclaves, comme en Russie pour la libération des serfs. Avant 1880, on ne comptera plus un seul esclave dans toute l'Amérique du Nord. Mais retiens ceci, mon enfant. Nous n'agirons pas sous la dictée du Nord. Et qui a introduit l'esclavage dans ce pays, Regina? Le Nord. À présent, ce qu'on appelle pudiquement notre institution particulière, l'esclavage n'est qu'un prétexte à discours pour les abolitionnistes. Tout le monde sait que le Nord est jaloux de la prospérité du Sud et qu'il veut notre ruine. Oui, laissons cela, ma sœur. Je voudrais que Regina fût bien persuadée qu'à l'origine de cette crise que nous traversons, il y a le désir des États du Sud de se gouverner comme ils l'entendent. La Constitution le leur permet. Elle a même prévu le cas d'une sécession, ce qui veut dire que nous avons le droit de nous séparer de l'Union, si bon nous semble. Sans l'esclavage, il n'y aurait pas eu de crise. Petite obstinée, qui travaillera dans les champs de coton, si tu n'y mets des Noirs? Un blanc n'est incapable. Sais-tu ce qui est arrivé aux McClure? Ils avaient des théories semblables aux tiennes, bien qu'ils soient du Sud, eux. Ils avaient les idées nouvelles. La libération progressive ne leur paraissait pas suffisante. Alors en 58... ils ont donné la clé des champs jusqu'au dernier de leurs esclaves, d'un seul coup. Ils ont cru d'abord qu'ils trouveraient des blancs pour travailler dans les champs de coton. On leur a ri au nez. Ensuite, ils ont cherché des noirs, qu'ils se proposaient de payer, les innocents. Mais les noirs libérés s'enfuient dans le Nord. Aujourd'hui, cette famille, qui était une des premières du Sud, est ruinée. Mais ruinée à un point que tu ne saurais te figurer. Il pleut dans leur salle à manger. L'herbe envahit leurs plantations. Ils ont libéré leurs esclaves. Ah, la voilà toute grisée d'idéalisme à bon marché. Ils ont libéré leurs esclaves. On voit bien que tu n'en as jamais eu. Si tu savais la tentation que cela peut être de les envoyer tous promener, les esclaves. Les femmes avec leur grossesse en série. Les hommes avec leurs querelles. Les négrillons sans cesse malades et sur qui je dois veiller, moi, parce que leurs mères en sont incapables. Et qui leur apprend à lire? Qui leur apprend leur catéchisme? C'est moi, ma fille. Les renvoyer, c'est trop facile. D'abord, ils reviennent. Pas tous, d'après ce que dit mon oncle. Quelques-uns fuient vers le nord, vers la liberté. La liberté, tu me fais rire. La liberté du nord. Le nord les méprise. Ah, qu'on les prenne et qu'on les renvoie tous en Afrique, d'où ils n'auraient jamais dû sortir. Ou qu'on en fasse cadeau en bloc aux vertueux européens qui s'apitoient sur leur sort, à Napoléon III et à Victoria. Voilà 30 ans qu'on nous dit qu'ils vont se révolter et nous massacrer tous. Je les en crois incapables. Ce sont des enfants. Des enfants, oui. Des enfants perdus, que la Providence nous a mis sur les bras. Oh, Édouard, tu m'agaces quand tu parles de la Providence. Demande aux descendants des négriers d'Europe si c'est la Providence qui a vendu aux colons du Nord les ancêtres de nos Noirs. Non, mon ami, l'histoire n'est pas aussi simple. On ne peut pas rendre Dieu responsable de tout, ce serait trop commode. D'autant plus qu'il ne dit jamais rien. Mon oncle, si vous le permettez, je vais me retirer. Comme tu voudras, mon enfant. Tu as scandalisé cette petite. Je l'ai scandalisée, moi? Oui. Je la connais. C'est ce que tu as dit sur le silence de Dieu. Elle croit, et je crois comme elle, que Dieu parle à chacun de nous. Elle a des vues religieuses que nous devons respecter. Voilà qui est un peu fort. Mademoiselle ne daigne pas aller à l'église avec nous. Mais elle a des vues religieuses. Et si on la choque, elle se retire comme une reine offensée. Petite chipie. De mon temps, on l'eût fouettée, oui. Vous venez d'entendre Analyse spectrale de l'Occident. C'était aujourd'hui la guerre de sécession 1861-1865 par Stanislas Fumet. Avec la participation de René Raymond, Georges-Albert Astre, Roger Asselineau, Henri Hagel et André Gauthier. Collaboration artistique, Jeanne Montré. Cette émission a été diffusée la première fois le 20 février 1965 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.